C'est calé, on a mis nos affiches, on a demandé au soleil de venir, il est venu. Donc on est bien, on est en place. Voilà, merci Didier d'avoir appelé le soleil. Donc Debout Éducation Populaire, on est là depuis. Oh là, ouf, tous les dimanches, on est même là quand les affaires de corruption elles sortent pas. On est tout le temps là en fait le dimanche. Donc on est content hein, de temps en temps de voir des gens sur cette place, ça fait plaisir. Nous, on va parler des médias dans la société idéale. La semaine dernière, on en a parlé longuement, on a fait un compte-rendu riche et varié. Donc du coup, comme toutes les semaines, depuis le mois d'août, je crois qu'on a commencé, 25e session, on est bientôt sur la fin, il y a plein de propositions qui sont en train de sortir. Et la deuxième phase, en fait, sera comment on fait pour mettre en place toutes ces propositions. Donc, que vous, simple passant, militant, non militant, voilà, on avait même des gens qui des fois, qui travaillent et qui livrent de la nourriture qui s'arrête, c'est assez rigolo. Donc, du coup, voilà, on a fait tout plein de choses ensemble. Donc, on continue. La semaine dernière, on parlait des médias. Donc, je vais tendre le micro à mon petit collègue. Et du coup, il va nous lire ce magnifique serre de tout ce qu'on s'est dit. Ça va être un petit peu long, donc ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher, etc., etc. Voilà, on peut faire un atelier même avec des sons de casserole derrière, il n'y a aucun souci. Merci. Alors, je vous lis le compte-rendu de ce qui a été dit la semaine dernière concernant, donc, lors de l'atelier du Pop, quelle société veut-on? Donc la question, c'est quels seraient les médias, les moyens de communication, la transmission d'informations dans cette société qu'on veut. Donc on nous a proposé des films incontournables sur ce sujet. Idiocratie, Requiem for a Dream, Les nouveaux chiens de garde, et La La Land et Solutions locales pour un désordre global. Donc des films qu'on nous a conseillé de visionner. Concernant la radio et la télévision dans la société qu'on veut. À la radio, chacun pourrait faire son émission, avec un lieu ou des lieux qui seraient des espaces de rencontre, d'échange et de diffusion d'informations, de diversité culturelle, par exemple la musique. Ne pas faire une radio, un style musical, mais de la pluralité. Remettre les débats actuels à plus grande échelle avec une participation large. Supprimer les médias de masse, que ce soit les citoyens et les citoyennes qui s'informent et informent. Ce serait en soi de l'éducation populaire. Ça pourrait se faire aussi sur des places publiques, comme c'était le cas avec TV Debout, Gazette Debout et Radio Debout. Ceci pourrait s'étendre et se relayer dans tous les lieux de lutte. À Fresnay, oui. Tous les enfants apprennent à faire des articles, ce qui donne des choses bien plus vraies qui ne cherchent pas à influencer l'autre. À Nuit Debout, on réussit à faire des multiplexes avec d'autres Nuits Debout de France, des villes étrangères jusqu'à la Syrie, avec son et audio. On peut donc le mettre en place de façon ouverte et avec de petits moyens. La problématique est d'échanger et de partager. Il faudrait aussi revoir la définition de média. Qu'est-ce que c'est qu'un média? Ce n'est pas quelque chose de vidéoludique, mais une arme de savoir et de transmission. C'est une arme idéologique. La manipulation politique donne que l'on ne réfléchit que sur les thèmes que les médias vont pointer. Ce sont aujourd'hui des interprétations de faits que l'on passe pour vérité. Ce qui influence les relations entre les individus, monopolise leur attention et dirige leurs pensées. Quand on décide l'ordre du jour de la télévision, on a le pouvoir. Internet vient après la religion et l'imprimerie comme outil de diffusion. On a enfin les moyens de l'horizontalité et de la communication avec donc tous ces nouveaux outils informatiques qui nous sont désormais accessibles. Il faut développer un maximum de réseaux et de médias alternatifs. On a déjà les reporters debout qui font des périscopes pour être sur place et filmer ce qui se passe. Bon, c'est un processus, je pense, avec Périscope qui devrait se généraliser un petit peu partout et pas seulement sur la place de la République. Le numérique permet une horizontalité des informations, mais cela comporte aussi un coût écologique et l'esclavage des pays pauvres. On pense par exemple aux mines de coltan au Congo. Se poser aussi la question de la construction des moyens de communication. Que ces moyens soient limités en nombre et développés pour partager et développer des moyens de communication économiques. Concernant le financement de ces médias dans la société qu'on veut, il n'y aurait pas de groupe privé, mais un financement participatif, car c'est un service public auquel chacun et chacune peut participer. ou alors pas besoin de financement du tout, car ce serait géré en commun, un lieu public participatif. Pas non plus de professionnalisation du journalisme qui fait rentrer l'information et la communication dans le système d'offres et de demandes associées à une ligne éditoriale précise. Les médias doivent être partagés et régulés par le peuple comme source de diffusion et d'information. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on consomme ? On se laisse confortablement porter par les divertissements sans se rendre compte que cela s'intègre dans notre façon de penser et de vivre. Les médias cherchent le sensationnel pour exploser leurs ventes. C'est une consommation d'horreur pour capter l'attention des personnes en posant une réalité sans permettre de la changer. La société accepte plutôt les produits tels quels plutôt que réfléchir à leur construction. Et il en va de même pour les médias. De même que la téléphonie devrait être publique et pas soumise à la propriété de groupes privés, ce qui permettrait des évolutions écologiques dans leur fabrication. Bon. Idem pour le libre logiciel, l'open source et autres, dans l'informatique. On peut dès demain remplacer tous les GAFA, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook et Amazon, par du libre. Le type C permet de donner de l'argent pour un projet. On pourrait créer une chaîne télévisuelle indépendante à partir des vidéos des YouTubeurs et que cette chaîne se déplace auprès des personnes pour diffuser leur vision du monde. Les blockchains également permettent un réseau d'échanges sécurisé et décentralisé. Alors concernant la publicité, vous savez, la publicité dans les médias, c'est... disons que c'est 90%. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Pas de publicité en parallèle des informations. L'accumulation des informations telles qu'on les a actuellement n'a aucun sens. C'est cumulé sans articulation théorique. On comprend moins ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on a affaire à des discours médiatiques contradictoires. En 1968, une pierre avait été posée avec des médias alternatifs où ce sont des personnes concernées qui s'exprimaient sans que ce soit interprété par d'autres. À partir du moment où quelque chose est dit, c'est une vision qui engage celui ou celle qui parle. Repenser en termes de responsabilité et non pas en fonction de ce qui nous paye, en transformant les images et les paroles de l'autre. Concernant la manipulation des émotions, les faits divers suscitent la peur et désignent des ennemis à l'extérieur. Les info people sont de la partie publicitaire qui met en avant certaines personnalités en idéal pour ensuite vendre un message politique. Cela nous fait à nouveau poser notre vie à l'extérieur et en nous faisant oublier la beauté de notre environnement proche en le masquant par des images imposées. Le mouton lucide sur YouTube explique pourquoi on aime la télé-réalité. On identifie les stars à quelqu'un qu'on connaît ou un stéréotype et on éprouve du plaisir au malheur qui arrive aux autres, ce qui détruit nos cellules grises et nous rend encore plus passifs. Cela colonise les esprits et nous empêche de prendre en compte les informations délivrées par ce qui nous est le plus proche. C'est aussi développer le langage, le rôle de la transmission des infos, sortir des visions réduites dans lesquelles on est. Dans cette société idéale, la société qu'on veut, il faudra apprendre à être critique en tant que personne, développer par rapport aux autres infos que l'on reçoit, aller aux sources pour se faire sa propre idée, en sachant qu'on n'a jamais accès à la vérité, car celle-ci est toujours une vision des choses. Par contre, la partager permet de la rendre plus objective. La zététique, c'est chercher la source des images diffusées. On pense par exemple au site à la chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène mentale. On nous a cité ça. Les élèves n'ont pas de filtre ou de critique. Cela est un apprentissage où chacun devient acteur et actrice des infos reçues et transmises. On est dans une société de l'image. L'écrit est souvent caché derrière et masqué surinterprétant l'image. Les médias créent des personnages de communication, d'où il faut que ce soit tournant et pas privé ni professionnel. On prend par exemple le Direct Matin, qui est tenu par Bolloré, comme tous les journaux qui sont centralisés par les milliardaires influençant les politiques. Direct Matin et Métro sont des tracts qu'on donne aux gens tous les matins. C'est un matraquage politique qui s'opère devant toutes les bouches de métro de Paris et de Navarre. On pourrait utiliser la publicité pour envoyer des messages d'éducation populaire avec la transmission d'informations. Par exemple, ceux et celles qui circulent diffusent des infos venant d'ailleurs, ainsi que des messages critiques par le son. Debout et du pop est en soi un lieu de médiation, de relais entre les infos, réflexions, mode de vie de chacun, chacune, leur lecture, leur musique. C'est bien d'apprendre, mais aussi de partager ses savoirs pour les remettre en question, ce qui permet de les assimiler dans l'échange, à l'opposé du par cœur. On pourrait avoir des lecteurs publics qui lisent ce qui les passionne, Ainsi, se retrouver sur des places où quelqu'un va lire et où transmettre les informations sur ce qui se passe, comme les crieurs par exemple. La culture et le travail sont des mots-clés pour la progression sociale. Tout est possible encore, et on ne voit pas assez à quel point nos droits sont de plus en plus limités, sans nous en rendre compte, par les comportements qui nous sont induits. Que le savoir non uniformisé soit l'arme principale pour l'échange et la paix. On peut par exemple, on peut être pauvre et très cultivé. On peut être riche et ignorant. La culture a toujours été une lutte. Elle doit être à nouveau perçue comme un combat à mener dans une vision plurielle. Et pour finir, de ce qui a été dit la semaine dernière dans l'atelier, et puis après on passera à la discussion, concernant la musique et le cinéma, il a été dit que la musique c'est aussi un relais d'information, tout comme le cinéma. Il y a un monopole qui produit des représentations du monde formatées à la Hollywood. Dans la société idéale, il y aura de la diversité dans la création musicale, de la possibilité de créer du contenu et de la diffusion ouverte. Il faut développer également le cinéma en plein air, ouvert, gratuit et permanent, où les personnes puissent proposer leurs films, le sortir d'un système économique, et donc ne plus opposer différents types de cinéma et aller vers la liberté de création. Voilà ce qui a été dit lors de la 24e session de l'atelier du Pop, qui était consacré aux médias. Et donc on va continuer la discussion toujours sur les thèmes des médias. Et je laisse la parole à Jérôme qui fera la modération. Merci, très très intéressant tout ça. Moi j'étais pas là la semaine dernière et franchement je suis ému quoi, carrément. Non, c'est vraiment vraiment bien ce qui a été dit. Et du coup, déjà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Est-ce que quelqu'un a tout de suite envie de réagir par rapport à ça? Ah, on a des médias à côté de nous. Est-ce qu'ils viendront peut-être participer après? Donc, est-ce que je veux bien le récap, s'il te plaît, comme ça je l'aurai. Donc, est-ce que quelqu'un veut enchaîner? C'est toujours le premier le plus dur. Hein. On a l'habitude maintenant, on le sait. Donc, allez, Sylvain, t'as quelque chose à dire, vas-y. J'ai toujours quelque chose à dire apparemment. Donc du coup effectivement au niveau des il y avait les médias mais aussi il y avait le moyen de comment passe l'information. C'était les deux grands sujets. On avait parlé du cinéma, on avait parlé de musique, etc. Et en fait, on m'avait raconté une initiative qui était très sympathique dans une ville où il y avait un cinéma, ce qu'on appellera un cinéma de quartier, qui en fait était en partenariat avec l'école d'à côté. Et en fait, les enfants d'une classe pouvaient en fait créer leur propre film. Et l'avantage, c'est que derrière, ils le diffusaient dans une salle de cinéma avec les parents qui étaient invités. Et je trouvais cette initiative super sympa parce que du coup, moi, j'aurais kiffé le faire, très honnêtement, si on m'en avait donné les moyens. Et en plus, c'est dans une ville, avec des quartiers populaires, etc., etc. Donc, je pense que pour les enfants, c'était une expérience un petit peu extraordinaire. Et dans la société idéale, puisqu'on est dans cet atelier, moi j'aimerais qu'il y ait plus de ce genre d'initiative, c'est-à-dire que les enfants puissent créer leur propre film avec le sujet qu'ils souhaitent, après qu'on les aide forcément à le monter, etc., etc., et après que ça soit montré soit sur une place publique, ou alors quand il pleut, comme il pleuvait il y a une heure, éventuellement dans un cinéma... d'art et d'essai, voilà. J'aime bien la notion de cinéma d'art et d'essai. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, pour moi, on l'a pas dit trop dit, mais tous les méga complexes de cinéma méga industriel avec des cartes illimitées, tout ça. Enfin, moi, je suis pas très très fan. Et il y a pas longtemps, j'ai vu un film à 5,50€ dans un petit cinéma de quartier et à 10 km, enfin même pas à 10 minutes en voiture, il y avait le même film à 11,50€. Donc c'est un petit peu couillon. Donc voilà, j'ai pensé à ça dans le métro en venant. Ok, merci. Du coup, ce serait pousser les enfants à apprendre comment diffuser une information ou comment se réapproprier une information, comment partager. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Ouais. Est-ce que quelqu'un veut parler? Non, parce que j'ai un peu beaucoup parlé avant. Je pense que la question des médias dans la société qu'on veut, idéale, tout ça, contrairement à plein d'autres thèmes qu'on a pu aborder, sur la question du partage des richesses, l'environnement, la santé, la médecine, où tout va mal, je pense que cette question de l'information des médias et autres, je crois qu'on est déjà plus ou moins rentré dans cette société qu'on veut avec les médias alternatifs. Et je crois qu'on est là, on est sur quelque chose de concret. Je crois que les moyens d'information, les outils numériques et autres de l'information, ils sont là. Et ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que quand on voit l'audience de certains youtubeurs, et notamment des youtubeurs qui font des productions politiques, voilà, des choses alternatives, des choses de réflexion. Je pense par exemple à Usul, qui a fait pas mal de documentaires et de choses de réflexion. Et il a des milliers, des centaines de milliers de vues sur ses vidéos. Voilà, là on a le germe, c'est même pas le germe en fait, le germe il est déjà passé, ça a déjà pris forme, on a déjà des petites pousses qui ont pris et qui sont amenées à se développer, parce que si on cherche, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui diffusent sur des médias, des radios web, YouTube et autres. Et donc je pense qu'on est déjà, dans, le processus de libération il est déjà engagé. Et voilà, donc je crois qu'on est déjà entré dans cette société où on a les médias qu'on veut plus ou moins. Alors après, je pense que ce qui serait bien, ce serait que les grands médias TF1, BFM et compagnie, en fait, je crois que maintenant, on peut se permettre de les détruire. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on se posait la question, oui, alors on a TF1 qui fait beaucoup de mal au mouvement social, aux gens qui luttent, et on se disait, bah TF1, il faut prendre le contrôle de TF1 et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus de prendre le contrôle de TF1 et autres, mais il est de simplement détruire ces grandes structures, parce qu'en fait, on peut parfaitement les remplacer. Les gamins, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils s'informent via BFM, via Jean-Pierre Pernaut. Je crois que dans 10 ans, ce sera tout à fait autre chose encore. Et donc, voilà, je pense qu'il faut investir tous ces médias, il faut se former aux outils numériques. Merci. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi en fait. Il y a quand même une grande liberté aujourd'hui au niveau des médias, mais je pense que ça se travaille plus pour décrédibiliser en fait, pour dire non, n'allez pas voir ce que disent ces gens-là. Maintenant c'est plus, enfin moi j'ai l'impression que c'est plus comme ça qui fonctionne. Ridiculiser l'information où il faut pas, à laquelle il faut pas aller voir. Ouais, je suis désolé parce que alors c'est une réponse directe sans être une réponse directe. Effectivement, il y a une défragmentation des médias dits traditionnels. Et le problème, c'est que cette défragmentation des médias traditionnels, on a parlé de YouTube, mais YouTube, c'est Google. Et YouTube, il fout de la publicité, 30 secondes de publicité avant chaque vidéo. Et il n'y a pas longtemps, ils mettaient même des publicités pendant la diffusion de la vidéo, ce qu'ils ont retiré, je crois, récemment, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, finalement, ils ne regardaient pas la vidéo parce qu'il y avait la pub au milieu. Donc du coup, voilà, on voit que l'effritement, entre guillemets, de l'audience des chaînes qu'on a connues, TF1, etc., mais va à Google, va à Netflix, va à Amazon, qui sont comme Bouygues, comme TF1, et qu'on sort, pour moi c'est la même chose. Donc il faudrait éventuellement un YouTube gratuit, quoi. Enfin un YouTube qui est pas dirigé par Google. Et ça, il n'y a aucun souci. Et ce que font les YouTubeurs actuellement, ils pourront le faire. Mais sans forcément être rémunérés et sans forcément qu'il y ait une pub de 30 secondes avant la diffusion de la vidéo. Et en tout cas, moi c'est important dans la société idéale. Et après, est-ce que on irait dans la société idéale vers du direct ou vers du ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire du les gens consomment de plus en plus en différé ou en ce qu'on appelle en replay. Et en fait, on nous vend ça un petit peu comme une espèce de forme de liberté, du coup, parce qu'on peut regarder n'importe quand, n'importe quelle heure. Mais mais c'est toujours pareil avec ça. Moi, je sais pas, je saurais pas trop trancher, mais quand on a un truc en rediffusion, y a aussi la petite pub avant qui fait 30 secondes aussi. Donc, je sais pas. Là-dessus, je n'ai pas d'avis tranché. Je laisse la parole ouverte. Oui, ce que tu dis, ça m'interroge sur la question de la source, parce que j'étais en train de me dire, en fait, ce qui serait bien, c'est que toutes ces vidéos-là puissent donc circuler librement, sans forcément qu'il y ait, qu'on connaisse le propriétaire qui l'a créé, etc. Et en même temps, je me suis dit, oui, mais des fois aussi, de connaître la source, ça permet de se rendre compte d'où ça vient, quel message ça peut véhiculer, l'intention qu'il y a derrière, et c'est quand même aussi important de le prendre en compte. Donc, je ne sais pas de quelle façon on pourrait à la fois prendre en compte la source sans pour autant que ce soit dans un rapport de propriété. Je prends mon tour de parole. En fait, moi, je me pose un peu la même question et je pense que c'est vraiment... il faut accepter, en fait, pour accepter ce que la personne dit en regardant la source... Il faut accepter que cette personne puisse penser différemment que toi et ne pas casser son discours à partir du moment où il y a quelque chose qu'elle dit qui te dérange. Et de même pour la source, si on te dit « Ouais, bah ce mec-là, il pense comme ça et que ça te plaît pas » et que du coup, tu te dis « Bah, j'ai pas envie de l'écouter ». C'est plus là-dessus qu'il faut travailler, je pense, parce que c'est... Au final, on se fait une image, on se fait une image à l'avance. Quand on nous dit « Ouais, c'est lui qui va parler », on se fait une image de cette personne à l'avance. Et du coup, on oriente notre interprétation de ce qu'il va dire. Et c'est plus par rapport à ça, je pense qu'il faut travailler, parce que de toute façon, moi, je suis d'accord que des fois, prendre trop la source en compte, c'est pas bien, mais ne pas du tout la prendre en compte, au bout d'un moment, ça mène à rien. Donc, c'est mon avis. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? C'est... J'ai rien à dire, c'est juste pour relever un peu le niveau culturel de la discussion. Merci, c'est voilà. Enfin, ils ont entendu le mot numérique, et quand ils entendent le numérique, moi je sors ma matraque. Je voudrais revenir aux fondamentaux, n'est-ce pas, de le médium, c'est médiateur quelque part. Et pour moi, c'est le médiateur entre la réalité et ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire c'est ce qu'on vit, qu'on baigne dedans. Seulement, c'est comme le poisson qui nage dans l'eau, mais il ne sait pas ce que c'est de l'eau. Donc, il faut des moyens pour interpréter, pour nommer, pour comprendre cette réalité. Et c'est ce qui est de l'autre côté de la médiation, c'est la vérité. C'est-à-dire que quel que soit le rapport qu'on a avec le monde, avec les choses, avec les autres, c'est toujours une tension entre la réalité et la vérité. Et à partir du moment où on n'a pas les moyens, on n'a pas une vérité intérieure, on ne sait pas ce que c'est que sa propre vérité, qu'on va chercher la vérité des autres ailleurs, mais la réalité, elle n'existe pas. C'est une illusion. Et justement, dans les médias, enfin ce qu'on appelle les médias d'aujourd'hui, ils nous vendent continuellement des illusions, c'est-à-dire un monde complet d'illusions préparées, comme la cuisine, préchauffée, prédigérée, etc. Et c'est ce qui nous empêche justement de réfléchir à notre vérité, c'est-à-dire moi là-dedans, qu'est-ce que je fais là, d'où je viens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, avec qui je veux être. C'est ça qui est important. Et tant qu'on ne sait pas ça, chaque fois qu'on parle avec quelqu'un ou qu'on lit un média quelconque, on est dans l'illusion totale. Et bon, ce truc que je redis toujours, mais pour moi le principal responsable de ça, c'est l'école, qui crée la première illusion de dire que il y a une vérité collective, il faut s'adapter à cette vérité collective. Moi, je crois que chacun doit... Enfin, s'il n'y avait pas d'école, développer, comprendre sa propre vérité et ensuite la négocier dans le bon sens du terme avec les autres. Et à partir de là, il n'y a plus besoin de médias. C'est simple. Alors, je voulais rappeler que... D'accord. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, on était aussi là pour défendre les médias et la justice. Parce qu'en fait, quand on attaque les médias, il faut faire quand même très très attention. Il y a des médias qui sont super, qui font un boulot vraiment bien et depuis des décennies, et que on doit avoir une attaque donc intelligente, bien ciblée. Je voulais aussi dire qu'il y avait des médias indépendants et qu'il fallait se battre pour qu'ils soient plus reconnus dans leur métier, parce que dès qu'on est hors d'un groupe, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile. On voit bien pendant toutes les manifestations de la loi travail et la couverture de Nuit Debout combien ces médias ont eu du mal à faire leur métier, et ce sont de vrais journalistes. Et je voudrais pas, en fait, que nous, on alimente un truc contre la presse très populiste. Je veux qu'on soit intelligent par rapport à ça. Tous les médias ne sont pas de la merde. Voilà. Bah c'est merci, c'est ton avis. Après, enfin, personnellement, j'ai pas entendu quelqu'un dire les médias c'est de la merde. Ah, le monsieur, mais le monsieur lui tout seul. Ah bah moi aujourd'hui j'ai entendu que lui. Ah bah je sais pas, ils sont pas là aujourd'hui donc. Non mais c'est juste pour vous dire. Ah oui d'accord ok. Oui, non mais d'accord. Mais je crois que la dame soulève quelque chose de très important, c'est quelle est la fonction de notre discussion? Est-ce que c'est de porter l'opprobre sur les médias ou est-ce que c'est d'avoir une approche critique de l'objet média dans l'idée d'une société idéale? Je crois que c'est ça le sujet. Et effectivement, la question des médias aujourd'hui pose problème. On pourrait par exemple poser la question de quelle est la fonction des médias dans la société actuelle. On sait que Montesquieu notamment a théorisé la séparation des pouvoirs avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif qui exerce la volonté générale du peuple, qui produit la loi. Le pouvoir exécutif qui mécaniquement doit appliquer sa loi, cette loi, sous la surveillance du juge. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Ce sont les médias de masse, qui, en termes de théorie politique, n'ont pas encore été pensés. Et on ne sait pas, il y a une forme d'anomie, une forme d'absence de règles, on ne sait pas quelle est la fonction des médias. Si bien que, quand il y a anomie, il y a anarchie, et il y a désordre. Et aujourd'hui, on a effectivement des médias, notamment des médias de masse, presse, télévision, qui sont l'objet d'une concentration. Et ça, c'est un problème, parce que quand il y a concentration, ça porte atteinte d'une part à l'intérêt général et d'autre part aux libertés individuelles. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion de fond à avoir sur la place des médias dans la société qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas encore été clairement établie. Alors, la vérité... La vérité, pour moi, elle est ici, elle est maintenant, comme peut-être tout à l'heure, elle sera au Trocadéro, comme elle sera peut-être au Sacré-Cœur quand j'irai chanter ou dire des conneries. La vérité, elle est partout où je peux avoir un contact réel, où je peux avoir des informations, où je peux m'apercevoir, si jamais on montre tout à l'heure, un média nous montre que la place de la République est remplie alors qu'il y en a un petit peu là-bas. Pareil si on fait ça au Trocadéro. Donc je vais aller me déplacer, je vais voir, je vais vivre la réalité, la mienne, dans des vraies rues. Ensuite, je vais effectivement utiliser les médias traditionnels, TF1, Antenne 2, n'importe lesquels. Puis ensuite, je vais utiliser aussi des médias alternatifs. Je vais utiliser Internet, je vais utiliser Google ou Boutou, plein d'autres choses comme ça. Et ensuite, ça va me donner un nuage d'événements physiques, statistiques si on veut. Je vais calculer rapidement, enfin à peu près, je vais me faire une idée à peu près qualitative d'une moyenne, un barycentre on appelle ça. Et là, je vais me dire, bon bah tiens, dans tout cet aéropage, je me situe à peu près là. Voilà là où je veux aller, voilà où je ne veux pas que ça change et que ça change. Voilà comment moi, je vais façonner mon discours politis et non pas politique. Je considère être un homme de politis et non pas un homme politique. Je vais discourir avec mes congénères, avec mes compatriotes ou même plus loin plutôt que mes compatriotes. Et puis, comme ça, on va faire monde et on va construire le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a possibilité, les médias sont là pour le faire. Après, bien sûr, il ne faut pas être dupe. Il y a des médias, les sources, etc. Après, pour finir, on parle beaucoup d'écoute, on parle beaucoup de communication. Je dirais que pour moi, le maître mot, quand on vous parle d'écoute, le préalable à l'écoute, c'est entendre. Et on veut bien souvent, et trop souvent, n'entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Merci, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonjour, Francis. Moi, les médias, en fait, je trouve que finalement, en France, on s'en sort pas trop mal parce que finalement, le canard enchaîné n'aurait pas été là. Et bien, voilà, l'affaire Fillon, par exemple, ne serait pas sortie. Ils essayent malgré tout de faire paraître des choses. Par exemple, on est très peu au courant, je pense, que le 16 février, l'Assemblée nationale a voté une loi pour étendre les prescriptions. Alors, dans cette loi, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, la prescription des crimes sexuels qui a été étendue à 30 ans. Donc, on peut trouver ça très bien. Ils en ont quand même profité pour mettre à 12 ans la prescription des infractions occultes et des infractions dissimulées, c'est-à-dire toutes les infractions qui pourraient, et bien évidemment, concerner les politiques et les affaires politico-financières. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, dès le lendemain, le parquet financier prit un peu de vitesse parce que cette loi pouvait être promulguée très vite. Eh bien, ils se sont dépêchés de mandater des juges pour que les trois quarts de l'affaire Fillon ne tombent pas sous le coup de cette loi et puissent donc lui être un peu mis en face. Donc on est actuellement en France, heureusement on a quelques médias, quelques juges qui se battent. Et moi je pense qu'ils sont assez exemplaires dans cette affaire. Et c'est pas fini parce qu'ils ont quand même beaucoup d'ennemis, il y en aura plein au Trocadéro aujourd'hui. Et ils ont aussi tous les gens du Front National qui soutiennent une Marine Le Pen qui, elle aussi, refuse d'aller voir les juges alors que ses collaborateurs, pour les mêmes raisons, sont mis en examen. Donc il y a quand même des culpabilités qui se font jour. Donc voilà, je voulais dire que je pense que c'est quand même... La presse, c'est vrai qu'on a eu tendance pendant longtemps à la critiquer et j'ai l'impression que là, en ce moment, ils font du bon boulot. Voilà, je voulais dire ça, ainsi que certains juges. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais faire une petite relance. En fait, c'est Debout Éducation Populaire. Donc, c'est l'atelier EducPop. Quelle société veut-on ? Et aujourd'hui, on parle des médias. Et on veut avoir votre avis sur qu'est-ce que c'est pour vous un média, à quoi ça sert, comment vous voulez vous en servir et qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous voulez apporter avec les médias. Est-ce que quelqu'un veut participer ? Est-ce que quelqu'un veut participer ? Allez, vas-y. Pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport au canard enchaîné, c'est vrai que s'il n'y avait pas le canard enchaîné, on n'aurait pas eu connaissance de l'affaire Fillon. Maintenant, on peut aussi se demander depuis quand le canard enchaîné avait l'information et pourquoi elle l'a sortie à ce moment-là. D'abord, quelle est la fonction des médias ? Est-ce que la fonction des médias est d'éclairer l'opinion publique ? Est-ce que c'est de transmettre à l'opinion publique des faits dès lors qu'elle les a reçus et vérifiés, ou est-ce que c'est de garder les faits qu'elle a reçus et vérifiés et de les transférer au public à un moment précis pour des raisons particulières? Et dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, depuis quand le canard enchaîné avait connaissance de cette affaire et qu'ils avaient vérifié les données? Et s'ils avaient connaissance de ces données bien avant qu'ils les révélaient, pourquoi ils le révèlent en pleine campagne électorale? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que là, pour le coup, le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, ne s'est pas immiscé dans la sphère du pouvoir démocratique? C'est une question. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas aussi des interrogations qu'on peut se poser légitimement? Tout à fait. Il ne faut jamais avoir peur de se poser des questions. Très important. Et chercher la réponse, voilà, exactement. Voilà, donc est-ce que quelqu'un veut participer ? On parle des médias. Ah. C'est pour répondre à monsieur. Si, peut-être que si le canard enchaîné l'avait dit avant, tout le monde s'en serait foutu. Alors que là, ils ont trouvé un public parce que on était peut-être plus concernés. Vous m'avez entendu ? Voilà. Oui, non, mais ça c'est d'accord, mais qui a voulu que ça arrive à ce moment-là? Pourquoi il y a un but derrière, sûrement. Il y a peut-être un but. C'est... Dans tous les cas, on peut se poser la question. Derrière ça, il y a quand même, je vais bon, peut-être fâcher les gens. Claire Chazal, à une certaine époque, on l'avait interrogé sur l'objectivité du journaliste. Ce à quoi elle avait répondu, ce qui est très juste. Il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité parce qu'il y a une ligne éditoriale, c'est tout. Donc à partir du moment où on n'a pas cette démarche que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, d'aller vers tous les médias et de prendre chez tous les médias les informations et ensuite de faire des triangulations et la moyenne statistique de tout ce qu'on a, le barycentre, tout ça, cette moyenne de tout ce qu'on a entendu, on arrive à discerner à peu près on va dire une sphère de réalité, de vérité, où, comme le monsieur disait, on va pouvoir aller vérifier les lois, les machins qui ont été votés, etc., et s'intéresser vraiment, et donc après venir taper sur les casseroles ou aller à Trocadéro, etc. Mais souvent, le problème de l'habitude fait que on va conserver le poulet le dimanche et TF1 que ça et rien d'autre, etc., etc., parce que ça nous rassure. Et pour que ça nous rassure, pour qu'on se rassure et qu'on ait cette volonté en fait de sclérose, eh ben, on fait tout pour nous faire peur. Et de tous les côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, d'extrême gauche à l'extrême droite, ils font tous du populisme. À un moment donné, il faut vraiment se rendre compte que qu'est-ce qui nous atteint ? C'est tout ce que on a des problèmes, soit au travail, si on ne crève pas la dalle, si on n'a pas de travail, bon, on crève la dalle, mais on est tous sous le joug. Il faut quand même voir qu'on nous vend le travail comme étant émancipateur depuis des années, et pour autant, pour moi, le travail, bien que j'ai eu des bons boulots et des mauvais, et des fois j'ai crevé la dalle, ça a toujours été du latin tripalium, la torture. Ça n'a jamais été love, ça n'a jamais été émancipateur. Qu'on arrête de me vendre n'importe quoi. Quand vous êtes à la chaîne, c'est pas émancipateur. Donc, quand il y a un mec qui vient vous voir, j'avais vu ça sur un média justement, pourtant c'était un média traditionnel, une nana qui s'était insurgée contre des journalistes et autres, elle dit, quand vous dites à un ouvrier, ah ben oui, c'est vrai que par rapport à l'Europe et tout ça, ça serait pas mal de gagner 100 euros de moins, mettez ce que vous gagnez en dessous. On va voir qu'est-ce que vous allez avoir comme poids. Si moi je commence à vous dire à toutes que vous gagnez trop, et puis qu'en dessous il y a marqué un gros panneau, moi je gagne 8000, bon là, vous allez dire, attendez, le mec, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Et la réalité, elle est là. Donc après, si on doit aller vérifier combien il gagne et tout, bon, c'est pas la chasse aux sorcières non plus. À un moment donné, je pense que c'est à nous de nous rendre compte qu'il y a des inégalités. C'est à nous de nous rendre compte qu'on nous vend la liberté alors qu'on n'est même pas capable de vivre la fraternité. Si on est fraternel, si on partage le pain plutôt que de venir juste ici et pas partager le pain avec les mecs qui sont dehors, rester 2 heures, 3 heures pour discuter avec eux et pas seulement le faire comme ça parce que on va consommer du militantisme, mais on y va, on se met dedans et qu'on refuse le bénévolat parce que tant qu'on fera du bénévolat, on l'aura dans le baba, on fait des travaux des fois qui sont de l'ordre du régalien et pour autant on n'est pas payé. Non mais jusqu'où ils vont? Ils voudraient qu'on travaille gratos. Non, il faut à un moment donné, un truc qu'on n'a jamais été capable, c'est la grève. Grève générale, grève du zèle, point barre, à tous les niveaux. Et là ils vont peut-être dire, mince, tous ces trucs-là c'est virtuel parce qu'en fait où aller l'énergie? Où il est le temps? Il est là, il est dans nos bras, dans nos mains. C'est ça qu'il faut défendre. Mince. Et puis quand on nous parle de l'argent, c'est le temps qui est important. C'est ça la vraie richesse. Je prends la parole pour féliciter ce monsieur. Parce que, pas sur ses prouesses d'orateur qui sont néanmoins bonnes, je trouve, mais il fait passer des vrais messages. Fraternité, ce qui nous manque fondamentalement. On peut toujours essayer la liberté, l'égalité. Si on n'a pas la fraternité, on n'arrivera à rien. Et vous avez raison. Et une fraternité qui est vécue dans son expérience personnelle, pas simplement des discours sur les podiums, qu'on en entend beaucoup. J'entendais tout à l'heure monsieur dire le pouvoir démocratique. Mais il est où le pouvoir démocratique? Déjà, là, je suis sûr que si on faisait un radio-trottoir, il y aurait une très forte proportion, je ne dis pas majorité, forte proportion des gens qui se comporteraient comme ceux qui sont aujourd'hui vilipendés. Parce qu'ils sont conditionnés, parce qu'on est conditionnés là-dedans. Des tout petits, il faut acheter la Mercedes. Ça, la réussite. Et moi, je suis content d'entendre des gens comme ça dans la rue, parce que bravo à Nuit Debout de laisser la parole et la libre expression, le forum, un peu à la grecque, antique, de pouvoir s'exprimer. Et quand on en sent ça, on a envie d'être confraternel. Moi, je vous dis bravo et merci, monsieur. Là-dessus, puisqu'il parlait de talent d'orateur, il faut se méfier aussi. Je voudrais juste prendre un tout petit exemple. C'était l'exemple des Jaeger aux États-Unis, qui étaient des, bon, on va dire, des anarchistes américains. Et il y en avait un qui, enfin, beaucoup, ils étaient contre, enfin, ils démontraient les méfaits de l'idolâtrie. Et un de ceux qui avait une des plus grands, enfin, une aura assez importante, un jour a fait un discours un peu sur une place comme ça, à la République, il y avait tout le monde qui était là, et il était là en train de faire un discours pas possible, et les gens l'applaudissaient, et d'un seul coup il s'est arrêté, il a dit, voilà pourquoi il ne faut pas faire d'idolâtrie, parce que le discours que je viens de vous faire, que je suis en train de vous faire pendant... ça fait au moins 10 minutes que je vous fais, c'était le discours du Troisième Reich à telle époque. Il faut se méfier de l'idolâtrie. On ne peut pas combattre ce qu'on est en train de combattre en ce moment si on n'attend qu'une seule chose, c'est un homme providentiel qui va le remplacer. Non, pour l'instant, ça nous a mené dans le mur depuis le début. Merci, monsieur. Merci, très intéressant. Sur la question de la démocratie, je pense que c'est un des problèmes fondamentaux aussi des médias aujourd'hui. Alors, concernant la démocratie, Seyès, qui est un des pères de la République française, a dit que la France ne pouvait pas devenir une démocratie directe parce que les citoyens étaient insuffisamment instruits et ne disposaient pas de suffisamment de temps pour produire les lois. Alors, on pourra ajouter l'autre argument qui dit que la démocratie directe ne peut pas être appliquée dans des sociétés de taille moyenne et grande. À partir de là, on a décidé en France de faire une démocratie représentative dans laquelle des représentants allaient produire les lois et donc produire l'intérêt général selon le concept de Rousseau de volonté générale, qui pourtant était au départ destiné aux démocraties directes. À partir de là, on a une démocratie française qui est en fait qui est tenue par ce qu'on pourrait appeler la classe politique. C'est elle, en fait, c'est elle qui produit les lois, ce n'est pas le peuple. Et le problème avec les médias, c'est qu'à partir du moment où les médias surgissent dans le champ social, les médias de masse, finalement, on a l'impression aujourd'hui que le peuple est exclu. On a d'un côté les médias de masse qui sont en quelque sorte l'instrument, on pourrait dire, des plus puissants et des plus riches. Et puis de l'autre côté, la classe politique. Et donc, il y a une bataille entre les deux. Alors jusqu'ici, ça se passait plutôt bien. Et puis là, maintenant que le quatrième pouvoir médiatique attaque directement un des membres éminents de la classe politique, et pas seulement, puisqu'il attaque aussi Madame Le Pen, ces deux-là se mettent à attaquer les médias. Et donc, il y a un combat entre, d'une part, la classe politique, et d'autre part, les médias. Donc, et donc, le peuple, dans tout ça, est exclu. On est totalement absent du jeu. Oui, je voulais revenir sur ce que disait un peu tout à l'heure, et ce que j'ai entendu aussi. Dire si c'est intéressant d'écouter toutes les opinions de tout le monde, des journaux, de tous les partis ou les gens qui ont des opinions, des gens autorisés, comme on dit. Et ça me rappelle un truc de Coluche, il disait il parlait des milieux autorisés. Il dit ah, les milieux autorisés, ça c'est un truc, vous y êtes pas. C'est pas vous. Moi non plus, mais bon. Et ce que je veux dire, faire statistiquement la moyenne de toutes les opinions et de dire ça c'est mon opinion, dire bon c'est bien, moi je fais pareil parce que ça va vite, ça évite de réfléchir. Mais moi je crois qu'il manque quelque chose, c'est la réflexion sur quel sens ça a, ce que je suis en train de vivre moi maintenant. C'est la vie qui est intéressante, c'est pas les nouvelles, c'est pas ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se passe dans mon cerveau, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Avec d'autres personnes, avec la nature, avec le ciel, etc. Et ça, c'est ce qui donne du sens à ce que je vis. Il y a aussi des informations, mais c'est une toute petite partie de ce que je vis. C'est une partie intellectuelle, une partie mentale, qui est complètement conditionnée parce que tout ce que j'ai appris à l'école, enfin, tout, c'est un grand mot, parce que j'ai juste le certificat d'études, mais bon, c'est déjà quelque chose. C'est un début. Et tout ce conditionnement qu'on a tous, on peut, à mon avis, on doit le contrebalancer par ce qu'on ressent, par ce qu'on vit de tous les jours quand on fait la cuisine, quand on lave sa bagnole, quand on rencontre les gens, on va boire un coup au café. Ça, c'est pas des opinions, ça. Ça, c'est ce qui est vrai dans ce qu'on vit. Pour moi, et les informations, ça vient en plus, pas à la place. Alors, juste un point technique, et puis n'hésitez pas à prendre la parole. C'est pas parce qu'on est sous une bâche et qu'on est un peu loin. Voilà, il n'y a aucun souci, il faut juste faire ça. C'est un truc pas trop compliqué pour lever la main. Juste un petit point d'info. Tout ce qu'on fait là, c'est du bénévolat. On n'a pas de sous, pas trop. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'âme charitable cet après-midi, on a une petite boîte à dons qui est juste là, scotchée avec, avec une petite boîte noire, une boîte à chaussures. Donc n'hésitez pas vraiment. Et j'ai bien vu que vous vouliez la parole, madame. Excuse-moi. Et après, je reprends le... Je voulais juste faire une remarque. J'ai du mal à prendre la parole en public et j'ai du mal à approcher le micro, mais justement, c'est à propos d'un article qui est paru dans Le Monde hier, Le Monde Idée, qui s'appelle « La voix publique des femmes », la voix V-O-I-X. Et j'ai trouvé très intéressant, ça s'appuie sur une étude qui analyse les prises de parole par les hommes et par les femmes. Et je donne 2-3 exemples parce que je ne vais pas redire tout l'article, mais par exemple, les femmes sont interrompues 5 ou 6 fois plus que les hommes. Les hommes qui font des discours longs sont appréciés, mais pas les femmes. On préfère qu'elles soient brèves, etc., etc. Et je trouve que peut-être ce serait intéressant, puisque Nuit Debout, c'est beaucoup parlé. Je me rends compte, me concernant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans ce cas, que c'est vraiment difficile de parler devant un public, de parler devant un micro, même de l'approcher, et que peut-être que c'est vrai pour d'autres femmes. Voilà. Merci madame, c'est super de faire l'effort. Et nous, on en a parlé dans notre quand on a parlé d'éducation, et bien évidemment, c'est hyper important parce que dans notre éducation, on nous apprend pas à être à l'aise en public, à être à l'aise avec son opinion, parce que c'est très compliqué de donner son opinion face aux gens. Voilà. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre la parole. Et pareil pour moi, hein, j'ai commencé pareil. Moi, j'ai une question par rapport au quatrième pouvoir des journalistes. Est-ce que finalement, on peut pas trouver des journalistes qui s'opposent à ça? Enfin, au système journalistique, c'est-à-dire des mecs qui sont complètement objectifs et qui ne sont pas penchés d'un côté ou d'un autre, comme Frédéric Taddeï, par exemple. Je trouve que Frédéric Taddeï, il est plutôt objectif et il arrive à être assez impartial par rapport à ça, par rapport à tous les autres journalistes qu'on a tendance à critiquer, quoi. Ouais, moi je peux pas te répondre, mais moi ce que je peux te dire c'est que bah d'une manière générale, enfin moi je pense que des journalistes bien il y en a partout, mais le problème c'est que les médias de masse ils nous disent que ces gens-là faut pas les écouter, et du coup si eux tu les écoutes, bah tu vas pas écouter ceux qui disent des choses sensées, tu vois. Ah d'accord, bah je sais pas, moi je pense que des gens bien il y en a partout, après je peux pas te répondre dans le détail. Est-ce que quelqu'un veut répondre, monsieur? Bon, moi je peux essayer de te répondre dans le sens où moi-même, enfin, ma centrale, là, elle est pas objective. Parce que là, en ce moment, je suis en train de te regarder, je vois les gens derrière. Il arrive quoi que ce soit derrière, j'ai pas vu. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu quelque chose. Ça pose le problème du témoignage. Il peut se passer n'importe quel événement là, tout le monde aura son interprétation. Parce que nous sommes des individus différents. Et c'est ça, c'est pour point de vue du... Donc c'est pour ça que chercher l'objectivité derrière un média proprement dit, ou chercher ou idolâtrer une personne, c'est pas ce que tu fais, mais tu vois, mettre en exergue une personne qui serait plus objective qu'une autre, c'est déjà lui donner quelque chose qui va faire que à travers cette personne, il n'y aura plus d'objectivité. L'objectivité, elle appartient qu'à toi. Ton objectivité, elle est parce que tu te tournes là. Là, maintenant, je vois des bouquins, il n'y a plus grand monde. Là, je vais dire, à la nuit debout, il n'y avait pas grand monde. Là, oh la vache, il y avait du monde. Là-bas, ah, il y avait des casseroles. Genre, c'est tout. L'objectivité, elle est en fonction, comme son nom l'indique, pour moi, objectif. Où tu tournes ton objectif. C'est pour ça que je vais partout et je dis, j'irai peut-être à Trocadéro tout à l'heure, parce que, pour voir, puis je me barrerai, parce que c'est pas mon truc, mais le truc, c'est que si tu prends une caméra, tu montres ça, Je vois plein de monde. Après, avec un bon petit commentaire derrière, il y avait plein de monde. Par contre, je montre ça, il n'y avait personne. C'est tout. L'objectivité, c'est toi qui l'as fait. Merci, merci. Très important comme, comme discours. Voilà. Donc, il y a lui qui voulait intervenir, et après, je te passe la parole. Parce que vu que toi, tu as déjà parlé, je passerai la parole. Oui, bonjour. Du coup, moi, un petit peu pour rebondir là-dessus, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un bon média doit être objectif ? On parle de ça, mais finalement, c'est peut-être le rôle des agences de presse de diffuser une information brute. Maintenant, un média, s'il veut être honnête intellectuellement avec son public, il a une démarche, il a un édito, il y a une façon de penser dans le média. Est-ce que le bon média, il doit être objectif ? Je suis pas tout à fait certain de ça. Voilà, je voulais poser cette question-là. Oui, mais du coup, oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, ouais. Intellectuellement honnête, tu peux être objectif aussi, après. Mais moi, ce que je réclame aux gens, enfin aux journalistes, à tous ces gens qui sont au-dessus de nous, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est tout. Après. Mais de toute façon, est-ce qu'ils seront... Parce que de toute façon, il est parti pris. De toute façon, c'est comme les historiens ou n'importe qui, il va te raconter une histoire, mais il a un parti pris quelque part. S'il a été influencé dans son enfance par rapport au milieu... Donc, il va te raconter des trucs, mais quelque part, il va te dire « Je suis objectif, j'essaie de raconter les faits dans leur ensemble, dans tous les trucs. » Mais il est partie prenante quand même. Et donc, automatiquement... Et bien, sa façon de te raconter la chose, de te raconter les événements, elle sera différente de... Moi, c'est ce que je réclame aux gens. C'est l'honnêteté... Enfin, aux intellos, c'est l'honnêteté... C'est quand tu vois là, le dernier débat qu'on a eu avec Macron sur la colonisation, on nous dit, la colonisation, c'est un acquis, c'est tout ça. Bon, d'accord, moi, je veux bien. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai été colonisé, mais j'en ai rien à... Le mec, moi, pour moi, c'est une histoire ancienne. Moi, je suis né après bien tout ça. Maintenant, c'est à tout leur honneur de reconnaître ce qui s'est passé. Ils veulent reconnaître, j'applaudis, ils veulent pas, c'est leur problème. J'en ai rien à foutre, moi. Sincèrement, j'en ai plus. Moi, c'est posé. Quand les Allemands ils sont rentrés, vous avez perdu l'Alsace, vous avez perdu la Lorraine, on a fait une guerre mondiale, on a fait tout ça pour récupérer les territoires. Quand les Allemands ils sont rentrés, on a occupé la France, au bout de 4 ans, vous en aviez marre. Nous, vous êtes restés chez nous 132 ans. Vous nous avez massacrés. Vous nous avez pris nos territoires. Vous avez acquis le pays. Vous avez tout ceci. Et nous, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai. Non, mais je veux dire, les mecs qui veulent raisonner avec moi, moi, je les. Je veux dire, moi, j'ai jamais rejeté. S'il y a pour rien dans la colonisation, les mecs, ils y sont pour rien. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais au moins, intellectuellement, reconnaissez que ce qui. On demande à la Turquie de reconnaître un génocide. Faut être sérieux. Voilà, c'est tout, moi. Merci, merci. Donc en gros, lui, il a continué sur ce que tu disais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu disais, en gros, il peut pas y avoir un média qui détient la vérité. C'est ça un peu. Tu veux juste que les gens donnent leur point de vue en prenant en compte que c'est un point de vue. Tu peux faire une agence de presse et essayer de récupérer l'information la plus brute possible et la diffuser ainsi. Mais si tu fais un média, un journal, une télévision ou quoi, et que tu présentes les informations dans un ordre, rien que parce que tu les présentes dans cet ordre-là, tu choisis un... Enfin, voilà. Donc pour moi, un bon média, il doit avoir une ligne claire et franche, et l'annoncer, l'affirmer. C'est ce que je pense. Ok, merci. Bon, je vais bien sur... Bonjour, alors... Écarte-toi du... Bon, je vais intervenir à la suite de l'intervenant, le journaliste objectif dont Pierre a parlé, et j'ai entendu Jérôme reprendre la parole de Pierre, et il parlait les écouter, les journalistes. Objectif, il faut les écouter. Dans mon oreille, ça sonnait les écouter, c'est-à-dire leur couper la tête, parce que leur présence dépend de ceux qui dominent les médias. Et donc, c'est évident que les journalistes objectifs sont mis en dehors, si possible. Et c'est très important cet aspect parce que les médias ont tout intérêt à éviter les journalistes objectifs, parce que comme il dit les poètes, les premiers qui disent la vérité, il sera exécuté. Voilà. Alors, ça c'est le point de départ. Les pouvoirs des médias viennent de là. Et les pouvoirs des médias donnent la domination de l'opinion publique. Et la domination de l'opinion publique veut dire la domination de l'électorat. Et donc, les médias, attraverso ces systèmes, ils désignent les gouvernements, ils désignent les présidents, ils désignent tout ce qu'ils veulent pour que la situation ne change pas. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, ils trouveront toujours l'élément qui pourra entraîner l'opinion là où ils veulent la porter. Merci. Bien, bonjour à tous. Moi, j'ai pas l'habitude des micros. Mais je viens d'arriver, donc peut-être je vais répéter quelque chose. Avant d'arriver, j'ai entendu France Info présenter notre mouvement comme étant un mouvement contre Trocadéro. Sous-entendu, c'est un mouvement partisan de petits groupes gauchos, bobos, tout ce que vous voulez, qui ne s'en prend qu'à Fillon et qui est là de façon opportuniste. Donc c'est vraiment très grave, je trouve, cette façon de faire croire à l'auditeur ce qu'il n'est pas. Alors que pour moi, nous sommes un mouvement qui existe depuis 2 mois. Les médias nous ont complètement boudés parce qu'il y a une espèce d'omerta des partis politiques, des médias, parce qu'on représente un danger, on met en question le statut et le financement des élus. Alors moi, je rappelle tout simplement que ce mouvement, en tout cas pour moi, est un mouvement de gens de tout parti ou hors parti, que c'est un mouvement qui veut la fin de la corruption, la transparence, et que dès immédiatement, Hollande et les présidentiels, dès qu'ils arrivent au pouvoir, remettent en cause le statut des élus, leur financement, pour plus de transparence. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis scandalisé dans la façon dont France Info manipule l'information, soit en ne parlant pas de ce qui existe, soit en parlant d'une façon réductrice et dangereuse, et des amalgames vraiment critiquables. Voilà, je vous remercie. Juste pour une précision, vous parlez de quel mouvement? Parce que nous, on est debout éducation populaire ici, mais... Non, mais je veux dire qu'à France Info, on a présenté le rassemblement d'aujourd'hui comme un rassemblement opportuniste, anti-Trocadéro, anti-Fillon. Or, pour moi, c'est pas ce que nous sommes uniquement. Nous sommes contre la corruption de tous les élus, quelque parti qu'ils soient. Il faut savoir qu'il y a une omerta dans les partis. C'est comme le dopage. S'il y en a un qui parle, c'est terminé pour lui, la politique. Donc, il la ferme tous pour pouvoir se faire vider les partis. Ça, moi, je trouve ça scandaleux. On était Place Rio dernièrement, on était 40 près de l'Assemblée nationale. Il y a un élu qui est venu, c'était Lassalle, qui est un peu bizarre, mais au moins il était là. Et moi j'aimerais que les élus soient là, c'est leur problème, autant que nous. Merci monsieur. Alors, elle a levé la main tout à l'heure, je vous passe après. Oui. Donc juste sur l'intervention qui vient d'avoir lieu, en effet je pense que le rôle des médias ce serait aussi de diffuser justement les revendications qui viennent de la population, donc comme pour le mouvement Stop Corruption, etc., de pouvoir diffuser ces revendications là et de les poser, parce qu'en effet il y a un rapport de force entre médias et politique. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'objectivité tout à l'heure, c'est peut-être pour que justement les informations puissent être critiquées de façon intéressante, ce serait que quand les journalistes posent une information, qu'ils disent avant, mais même de façon, voilà, on parlait d'honnêteté intellectuelle tout à l'heure, qu'ils disent avant, voilà ma position, voilà pourquoi j'ai cette position-là et pourquoi je vais la défendre. Donc il y a citer leurs sources bien sûr, mais aussi citer pourquoi est-ce qu'ils ont ce point de vue-là. Ce qui permettrait déjà que la personne en face qui l'entende prenne en compte d'où est-ce que l'autre parle, d'où et pourquoi, et qu'ensuite elle puisse critiquer l'information par rapport à ça. Mais le problème qu'on rencontrerait si c'était fait actuellement, c'est que du coup on dirait « Ah, mais il est pas objectif !» alors qu'en fait, c'est juste un gros mensonge, parce que l'objectivité en effet dans ce sens-là n'existe pas, et que si c'était posé ainsi, ça permettrait qu'il y ait une vision critique nettement plus intéressante. Merci. Merci. Alors là-dessus, je suis complètement en accord avec toi. En termes de communication et en termes de médias, puisque c'est ça dont on parle, il me semble qu'en fait, un État démocratique, quand ces médias commencent à devenir de la propagande, c'est là où ça commence à devenir problématique. Et la propagande, elle est partout. C'est-à-dire que vous avez de la propagande à travers les médias, mais je vois, par exemple, par rapport à ce qui se passe ici, qui a été effectivement présenté comme une réaction à ce qui se passe à Trocadéro, alors que c'est un truc qui date depuis avril 2007, voire avant. En fait, c'est présenté comme ça, et même quand vous vous déplacez dans le métro, c'est assez rigolo, parce que dans le métro, vous arrivez à République à peu près tranquillement, et on vous dit déjà dans le métro, parce que ça aussi, c'est de la propagande à longueur de journée dans le métro, ils vous disent que Trocadéro est fermé, et que même pour y aller, vous pouvez pas, il n'y a pas de relation dans le métro, enfin, il n'y a pas de possibilité de transfert d'un métro à un autre. Donc déjà là, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les gens qui prennent le métro, qui ne s'intéressent pas au truc, vont se dire, ah merde, putain, Trocadéro, il y avait vachement monde et tout ça, bon, en République, il ne devait pas y avoir grand monde puisqu'ils n'ont rien dit. Et tout ça marque le citoyen qui en gros n'a pas de conscience politique, même pas politique, mais qui n'a pas cette conscience d'aller vers. Parce que c'est ça, pour moi. Par exemple, on parlait du média tout à l'heure, parce que je ne vais pas être trop long. Si on était sur la Lune, là, en ce moment, je pourrais lui parler comme ça, personne n'entendrait rien, parce qu'il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de transmission de l'information. Le média, là, entre nous, c'est l'air. Autrement, il n'y a pas de possibilité de transmission. Vous n'entendriez rien du tout. C'est ça, c'est rien d'autre, le média. Alors, évidemment, en faire un média complètement objectif, c'est pas possible, parce que vous avez la Lune, par exemple, ben là, dictature, pas du tout d'information. Il y en a d'autres, il y a un peu moins d'air ou une air un peu, donc ça sera pas exactement la même chose. Ici, on a l'habitude. Tout ça, c'est une forme de transmission de l'information et un média, c'est tout. Et à partir de là, ne pas tomber dans la sclérose qu'on est en train de nous imposer. Et cette sclérose qu'on nous impose, c'est une démocratie qui est sous le joug de la propagande. Et déjà, même si on retourne en arrière, on n'est pas la peine d'aller chercher chez les Grecs ou autres, ou même Voltaire et compagnie, on va déjà, rien que De Gaulle disait que bon, celui qui détient la radio, il a tout gagné. Bon, bah, pour l'instant, voilà, on en est là, quoi. Merci, monsieur, très intéressant. Parce qu'on parle de la liberté de la presse, dès qu'ils sont attaqués, en temps normal, j'ai remarqué un truc avec les gens, c'est que les gens, en général, les journalistes, ils n'ont pas bonne presse par rapport aux gens dans l'opinion générale. Dès qu'ils sont attaqués sur un truc et tout, on parle de liberté de la presse. On sait qu'ils racontent que des conneries. Mais là, on défend leur liberté de la presse de nous raconter encore des conneries quelque part. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route aussi quelque part ? Tu me parles... Les journalistes, ils n'arrêtent pas de nous casser, nous, par exemple. Tous les sujets politiques, ils prennent les sujets à travers. Ils ne les prennent pas jamais par le bon bout. Donc après, on vient me dire la liberté de la presse. Mais j'en ai rien à foutre de la presse. Cette liberté-là de salir les gens, de casser, de prendre les problèmes à l'envers, de raconter que des conneries tout au long de la... J'achète la presse. J'ai arrêté de l'acheter, je l'ai repris, parce que j'ai un manque. Je suis obligé d'acheter la presse quelque part pour m'informer un peu, pour pas être déboussolé, pour pas être perdu. Mais la liberté de la presse, sincèrement, quelque part... Mais j'ai plus le respect que j'avais pour la presse ou pour tout ce que j'avais comme respect pour les institutions, pour la police, pour tout ça. J'avais du respect pour tous ces trucs. Mais quand je vois, j'ai plus de respect, sincèrement. Et ça fait des années. Et c'est pas d'aujourd'hui. Parce que j'ai un certain âge, j'ai 56 ans. Ça fait 25 ans, j'en suis revenu, tout ça. La liberté de la presse. Mais quelle liberté? De me salir, de casser tous les trucs? Non, je voulais ça, non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des formules à revoir ou je sais pas? Parce qu'on nous... je sais pas, dites-moi le contraire. On critique toujours les journalistes. Dès qu'on va vous parler, ils vont vous dire un truc. On leur tombe dessus. Non, il n'y a peut-être pas... Des fois, il n'y a peut-être pas à les défendre. Et, ou qu'ils se remettent en cause. Comment on se remette en cause? Moi, je trouve un peu dur de tout le temps... Justement, cette liberté de la presse, on a la chance... justement, qu'elle soit libre. Mais la liberté de la presse, elle peut s'exercer de façon large. Et la démocratie repose sur la liberté de la presse et la justice. Faut pas cracher dessus, monsieur. La liberté de la presse, elle, c'est pas parce qu'elle est libre qu'elle va, qu'est-ce que vous dites, humilier. Des fois, vous prenez les journalistes. Mais il faut savoir lire, il faut savoir lire les vrais journalistes, il faut savoir faire la part des choses. Mais la liberté de la presse, c'est le garant de la démocratie, justement, et la liberté de la justice. Donc c'est un peu facile de cracher sur les journalistes et de cracher sur la justice dès qu'ils sont plus d'accord avec ce qu'on représente. Comment ça, ils vous crachent dessus? Vous êtes qui? Mais qui nous? Qui nous? Nous, c'est qui? Nous les enfants d'immigrés, nous les ceci. La presse vous crache dessus, mais monsieur, quand même, je ne sais pas ce que vous écoutez comme radio ou que vous lisez comme... Bien sûr qu'elle me crache dessus, quand elle ne dit pas la vérité. Elle me crache dessus. Pardon ? La presse ne serait que bourgeoise, donc. Bon, alors, moi, je suis désolée. Non mais vous, madame, exprimez ce que vous avez l'air d'être plutôt satisfaite en fait de la liberté de la presse. Je sais pas. Non, c'est pas que je suis satisfaite de la presse. Je dis simplement que la démocratie s'appuie sur la liberté de la presse et de la justice. C'est ça qu'on défend là. Faut arrêter de dire que la presse est pourrie ou je sais pas quoi. C'est faux. Il faut choisir ses journalistes, il faut choisir ce qu'on lit ou ce qu'on écoute. On est intelligent, on fait marcher le cerveau, d'accord? Voilà, alors pour faire marcher son cerveau, il faut bien qu'il y ait des journalistes d'investigation, et il y en a encore en France, on a de la chance, il y en a encore. Mais il y en a encore, enfin, mais je sais pas, mais qu'est-ce que vous lisez? Ça c'est vrai, ce sont les grands groupes qui détiennent la presse, mais il y a quand même des journalistes d'investigation, il y a quand même, la presse est libre en France, mais voyager, allez voir ailleurs comment c'est la presse. Alors, je vais juste faire un point technique, il pleut là en fait, apparemment il commence à pleuvoir, n'hésitez pas à venir sous la bâche, moi je vais me mettre plus proche de la sono, ça va être chiant, par contre ça va faire du Larsen, excusez-moi monsieur. N'hésitez pas à vous avancer sous la bâche, et donc... Oui, mais attendez, monsieur, soyez patient. Donc, alors, on va prendre des tours de parole parce que apparemment il y a des gens qui veulent parler. Madame, vous voulez parler, c'est ça? Oui, mais bah attendez, je suis obligé de, parce que monsieur a demandé avant en fait, et vous savez, hein, si on respecte pas l'ordre, ça peut vite partir en vrille. Bonjour à la dame qui disait tout à l'heure qu'il y avait la liberté de presse. Il y a encore quelques journaux qui disent la vérité. Mais la grande majorité, Le Monde, Libé, tout ça, c'est des mensonges et des mensonges. La vérité, c'est facile à savoir. Par exemple, il y a un accident de train à Cameroun parce que M. Bolloré a dit non, les wagons, les freins, on s'en fout. Voilà, il y a 80 morts, mais on ne parle pas de ça en France parce que la presse est contrôlée par M. Bolloré. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y a la justice. Que c'est infernal pour les pauvres et très bon pour les riches. Il y a la justice à deux vitesses. Pour nous, ça marche tout de suite. Comparaison immédiate, etc. Ne me prends pas le micro, c'est mal poli. OK? Et pour nous, c'est toujours la même chose. Et il faut comparaison immédiate parce qu'on a volé un sandwich dans un supermarché. Monsieur Fillon, 1 million, et voilà, rien. Alors, on va prendre des tours de parole, parce que je vois que les gens commencent à être tendus, là, on commence à se rapprocher, il pleut, tout ça, les gens sont énervés. Madame, vous voulez dire un mot, c'est très rapide, voilà. Oui, juste un mot, c'est vrai, moi, je me méfie des espèces de propos qui consistent à dire que la presse dit que des conneries. C'est tout à fait non manipulable, c'est des propos qui ne permettent pas d'agir, de dire des choses pareilles. Les journalistes... C'est pas parce qu'on est payé par quelqu'un qu'on n'est pas capable de faire son métier. On dit souvent, les médecins d'entreprise, oulala, ils ne disent que ce que veut le patron. Non, un médecin d'entreprise, c'est comme beaucoup de cadres d'entreprise. Il y en a qui peuvent avoir des ambitions de carrière, mais ils ont quand même des métiers. Alors, les journalistes, il y en a, comme dit madame, de différentes idéologies, et effectivement, d'une façon générale, ils sont issus d'une certaine couche sociale qui a une idéologie, en gros, je voudrais pas dire conservatrice, mais enfin, de stabilisation, et ce sont souvent pas des révolutionnaires. Mais il y a aussi, quand il y a une enquête à propos d'un effondrement ou d'un accident, au contraire, ils sont les premiers à rechercher l'élément qui pourrait être intéressant et critique. Donc je crois qu'il faut, ça sert à rien de dire d'une façon générale tous pourris, ça ne permet aucune prise, Voilà. Or, nous, on est des militants qui avons une ambition considérable et constructive. Merci pour ce mot assez long, quand même. Monsieur, voilà, ça va être chiant avec le Larsen, par contre. Est-ce que vous êtes capable d'attendre, parce que il n'a pas encore parlé, et du coup, je préfère laisser les gens qui n'ont pas encore parlé parler. Voilà. Bonjour. Alors moi c'est Benjamin. Voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, il y avait un rassemblement qui est encore en cours contre la corruption. L'idée est énorme. C'est que les élus réussissent et certains candidats réussissent à. Putain, c'est horrible Larsen. À échapper à la justice, alors que les autres passent en comparution immédiate extrêmement facilement. Je me tourne par là. Ok. Les autres réussissent à passent en corruption immédiate assez facilement. Du coup, cette justice à deux vitesses, on n'en veut plus, mais ça démontre un problème démocratique beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave. Les systèmes sont verrouillés. La question médiatique qui vient d'être évoquée est un des systèmes de verrouillage. Pour déverrouiller tout ça, on propose de réécrire les règles du jeu démocratique. Et donc, on vous invite que vous soyez votant, abstentionniste, que vous votiez blanc, que vous votiez en vous pinçant le nez, que vous votiez par conviction, on s'en fout. On se donne tous rendez-vous sur les places pour réécrire les règles du jeu. Et c'est le 23 avril, c'est le jour du vote. L'idée, c'est de faire notre 15e à nous, notre mouvement pour la démocratie réelle, ou ce qui s'est passé en Islande, où les gens ont réécrit eux-mêmes la Constitution. Et donc, ça s'appelle Jour debout, ce sera le 23 avril, et ce sera à 18h ici sur la place, et bien sûr, toute la journée, il y aura des activités, et on pense avoir 50 à 60 rassemblements dans toute la France, donc n'hésitez pas. Si vous voulez un petit badge, c'est cadeau, et vous pouvez avoir des infos sur jourdebout.net. Tu peux signaler quand même que les citoyens... Super, merci. Par contre, je vais vous demander de venir ici pour intervenir, sinon ça va être horrible. Larsen, on va pas arrêter. Vous vouliez parler Non, c'est bon. Vous avez le droit. Hein, je vous ai pas dit de pas parler. Hein. Tout à l'heure, il y a une personne qui avait parlé de l'objectivité des journalistes et qui parlait notamment de TADI. Et moi, je me suis retrouvé dans son propos. Dans la mesure où l'émission de TADI, qui était une émission qui se déroulait sur le service public et qui est censée justement articuler intérêt général, efficacité économique et liberté individuelle, de mon point de vue, était intéressante parce qu'elle permettait, non pas une objectivité, parce que l'objectivité n'existe pas. Dès lors qu'on a une perception, une interprétation d'un fait, on est forcément dans une subjectivité. Mais l'avantage de l'émission de TADI, c'est qu'il permettait justement à une pluralité d'opinions de s'exprimer. Et donc, il créait justement un débat qui n'était pas forcément conformiste. Et Jacques Ellul disait que l'une des maladies de notre démocratie, c'est le conformisme. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Et en ce sens, ce qu'on pourrait attendre des médias, c'est qu'elles jouent cette fonction finalement d'agora, d'espace public virtuel dans lequel l'ensemble ou une pluralité d'opinions puisse s'exprimer, sans pour autant qu'elle-même s'immisce ou impose sa propre opinion. Et en ce sens, je voudrais rendre hommage à Debout Éducation Populaire qui, là, au moment... là, ce qu'on est en train de faire, ce que fait Éducation Populaire, c'est précisément ce qu'on attend des médias. Et c'est précisément ce qu'on attend de l'objectivité des médias, qui donne un espace public d'expression de la diversité. Merci. Ouais, c'est trop gentil, là. Non, merci. Ben, nous, de toute façon, c'est ce qu'on veut faire, vraiment, c'est ce qu'on défend. C'est que n'importe qui a le droit à la parole. Et nous, on n'est pas là pour le juger, en fait, on est juste là pour partager et ensuite pour avancer, parce que on a des points de vue sur des choses et c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément super, c'est pas forcément bien, c'est pas. Mais on est là pour échanger et pour se dire ah bah toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, ouais c'est vrai, ah j'avoue comme ça. Et petit à petit, nous on se rend compte que quand on est tous réunis comme ça, on parle et en fait on se rééquilibre tous avec nos défauts, avec nos qualités. Tous on peut se rééquilibrer comme ça, voilà. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense, après. Et du coup, qui veut continuer? Donc, je le rappelle, hein, c'est l'atelier « Quelle société veut-on ?» et on parle des médias. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, les médias? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça véhicule? Il y en a là qui sont en train de nous filmer, justement. Est-ce qu'ils ne veulent pas nous dire un mot, justement? Qu'est-ce que c'est, les médias, pour vous? Qu'est-ce que vous voulez comme médias? Qu'est-ce que... Je sais pas. Non, personne ne veut réagir? Allez, il y a des gens... Fais gaffe, parce que ça va sonner, là, si tu... On a remarqué, plus il y a de monde, plus c'est dur de prendre la parole. Voilà. Mais comme d'habitude, quand il n'y a personne qui prend la parole, je la prends. Du coup, on l'a évoqué tout à l'heure, quelque chose qu'on n'a pas spécialement développé, c'est le lien en fait entre les médias et effectivement la justice. Je me rappelle pendant la, on va appeler ça une affaire de Jacqueline Sauvage. J'ai été interpellé parce que l'avocat de Jacqueline Sauvage disait arrêtez de faire entre guillemets de faire du buzz, de faire tout, de comment dire, d'être dans les médias, etc., etc. Parce qu'en fait, il se rendait compte que ça faisait l'effet inverse que ce que voulaient les gens, c'est-à-dire que les juges, tout d'un coup, s'étaient braqués en disant bah, attendez, là, il y a toute l'opinion publique qui veut qu'elle entre guillemets qu'elle soit graciée, qu'elle sorte, etc., etc. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation assez paradoxale. Donc, c'est vrai que c'était moi quand j'ai entendu ça, j'étais très très surpris. Parce que je me suis dit, bah merde, tout d'un coup, en fait, on se rend compte effectivement qu'il y a ce lien qui est vraiment très très étroit et qui, je trouve, en tout cas pour ma part, n'est pas très sain. Et on entend souvent dans des affaires médiatiques, enfin peu importe les affaires d'ailleurs, qu'il y a des fuites, qu'il y a des choses qui sont dites dans certains médias. Alors là, c'est le Canard Enchaîné, mais il y en a eu d'autres après. Il y a eu Mediapart hein, dans un temps, il y a eu d'autres journaux dans un autre temps, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a ce lien un petit peu bizarre entre les médias et la justice. Donc voilà, moi j'aimerais développer un peu ce point-là. Moi, je suis pour vraiment qu'il y ait une séparation, forcément. Mais voilà, j'ai pas trop entendu du monde là-dessus, en tout cas. Alors juste, je vais faire un point. Tu vas prendre la parole. Levez la main ceux qui veulent participer. Donc il y a madame, monsieur et madame. Ok. Oui, à propos de l'objectivité, enfin qui n'existe pas, je veux dire, moi je ne lis que le Canard Enchaîné, parce que quand je lis un autre journal, je vois et je constate qu'ils me prennent toujours pour un imbécile. Et je pense, enfin à mon avis, tous les journalistes sont convaincus que les Français sont tous des imbéciles. Et ça me désole. Alors. Le Canard Enchaîné, c'est le seul qui dit la vérité, parce que s'il disait une connerie, il serait tout de suite poursuivi au tribunal et il devrait payer des millions d'amendes. Donc c'est ce qu'ils disent, c'est forcément vrai. Maintenant, à partir de là, il y a aussi d'autres nouvelles. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de nouvelles, on a plein d'informations, et en ce moment, on parle que de Fillon depuis 15 jours. Mais par exemple, il y a Servier, qui est un laboratoire, qui a créé un médicament Mediator qui a empoisonné au moins 500 personnes, qui est accusé formellement d'avoir tué 500 personnes, et probablement 5000, parce que les preuves ne sont pas encore apportées, et qui est toujours en liberté depuis des années. Personne ne lui fait rien, ne lui dit rien. Il est peut-être mort, mais avant... Avant, il a vécu très bien en liberté. Si quelqu'un vole un paquet de pâtes, le soir même, il est en prison. Alors, et personne n'en parle. Je veux dire, c'est ça qui ne va pas. Il y a aussi l'Europe, par exemple, qui vient de voter pour les perturbateurs endocriniens qui sont en train de créer des enfants handicapés pendant des générations. Et on le sait, c'est prouvé. Il y a dans tous les autres pays, c'est interdit. En France, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de cas où les journaux ne parlent que de ce qui intéresse les hommes politiques ou leurs patrons comme Bolloré, etc. Et c'est ça que je veux dire quand on nous prend pour des imbéciles. Parce que les vraies nouvelles, ce qui est vraiment important pour notre vie, pour notre futur, pour nos enfants, pour les générations futures, etc., on n'en parle jamais. Alors moi, j'ai dit qu'il y a un truc vraiment qui ne va pas. Pour faire l'avocat du diable, je dirais pas jamais, mais pas souvent. Bonjour. C'est bon ? D'accord. Donc moi, je voulais rebondir sur la relation entre les médias et la justice. Peut-être qu'un peu trop souvent, les médias se sont mis à la place de la justice. Ce qui a été le cas pour l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est que les médias n'ont pas relégué toute l'affaire et a pas mal orienté l'opinion publique, ce qui a peut-être un peu contrarié les juges, ce que je peux comprendre aussi. Dans un sens aussi, les médias ne font pas forcément toujours leur travail à fond. Ça veut dire que souvent, ils se contentent juste de relayer une info sans vraiment vérifier la source. Alors nous, en tant que lecteurs, on doit déjà faire attention à ce qu'on lit, à lire plusieurs sources, mais aussi à ce que les journalistes croisent des informations, essayent de les contredire ce genre de choses. C'est aussi, chacun est responsable et on doit tous prendre nos responsabilités par rapport à l'information. Voilà. Merci. Alors oui, moi j'aimerais revenir sur un lien étroit entre la crise de la pluralité et de la liberté de la presse qu'on connaît actuellement et la crise des médias dans le financement. On a vu que la logique de concurrence et la logique marchande ne permettait pas aux médias de se baser sur la qualité comme seul financement. Donc dans le sens que seulement en faisant de l'information qualitative, ils vont pouvoir survivre. Et donc ça amène à quoi ? Ça amène à une situation où ils se soumettent à la publicité avec bien évidemment de l'information qu'on a couramment putaclic sur internet. Ça amène à de la concentration avec les milliardaires qui concentrent les médias entre leurs mains et nuisent gravement à la liberté de la presse. Et la concurrence en elle-même nuit tout simplement à la qualité de la presse, car elle incite à sortir une information aussi putaclic, bien évidemment. Et du coup, ce qu'il faut, c'est sortir les médias de la logique marchande et de la logique de la concurrence et commencer à les considérer comme un bien public réellement d'intérêt général. Évidemment, il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là aujourd'hui, comme les indemnités, mais qui ne sont pas suffisantes et on les distribue de façon très discutable. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment considérer aujourd'hui le média comme un bien public et on devrait faire aussi de même avec la culture en général. Merci, très bien, c'est très simple. T'as noté, Adèle ? Est-ce que... Alors j'avais... Ah oui, c'était madame. Si on parle des médias et de la justice, on entend assez rarement parler de la coalition qu'il y a eu entre notre ministre de la Justice, M. Urvoas, qui, dans la loi anticorruption, a glissé un amendement amnistiant les détournements de fonds publics, en gros, les magouilles financières, après un délai de 12 ans. Avant, c'était imprescriptible. Vous détourniez de l'argent, vous deviez en rendre compte toute votre vie. Et quand ils ont doublé les délais, en gros, pour les voleurs de fromage ou de mobilettes, passant de 3 à 6 ans, eh bien, ils ont dit, cette chose imprescriptible, non, on va faire un délai quand même, ça sera 12 ans. 12 ans après le méfait commis, et non pas découvert. Donc si vous planquez votre argent bien comme il faut, et des sommes, c'est pas un fromage ni une mobilette, hein, au bout de 12 ans, vous pouvez en profiter en toute impunité. Et ça, cet amendement qui a été voté le 16 février, c'est à cause de cette loi que les juges ont eu beaucoup de mal à mettre Fillon en examen. Parce que à un ou deux jours près, la loi passait et il ne pouvait plus être poursuivi. Alors Fillon, bien sûr, le pauvre, il fait son analyse. C'est le dernier tour d'une bête blessée, mais il faut voir que c'est tout un système qui se protège les uns les autres comme ça. Et ça, les médias en font décortique. C'est simple ce que je vous ai dit. Ça dure une minute d'expliquer ça. C'est pas long. Et on l'entend jamais, jamais, jamais. Bien sûr, il y a les histoires de Pénélope, le roman photo, Fillon, les larmes, machin. Ça fait du buzz. Mais ça prend pas longtemps. Maintenant, je pense que les journalistes en prennent confiance parce que il y a eu l'histoire de iTélé. Ils savent quand même qu'il faut pas seulement donner de la merde aux informations, mais décorter le fond des choses. Merci, madame. Merci. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur cette lancée positive ? Juste un petit commentaire. C'est que si l'information est venue jusqu'à vous, c'est qu'elle est passée par un média. Voilà, c'est tout. Oui, moi aussi j'étais au courant, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Oui, moi je voudrais juste revenir sur le concept de la liberté de la presse. Et bien je pense que toute la presse est pourrie, parce qu'en fait, toute la... Ah si, l'humain aussi. Alors, donc d'accord, alors, je précise. Donc la presse, l'humain y compris, a pour fonction d'appeler le citoyen à être responsable. C'est-à-dire, s'il y a des centrales nucléaires, s'il y a la guerre, s'il y a des SDF, tout le message de la presse bourgeoise, y compris l'UMA, c'est-à-dire, il n'y a qu'à faire un petit effort, chacun qui a qu'à s'occuper un petit peu de son voisin, ramasser les papiers gras et tout ira bien. Donc toute la presse défend les intérêts de la bourgeoisie, en ce sens qu'elle culpabilise le citoyen en disant que c'est impossible... Oui, d'accord. En disant que c'est impossible. Merci, oui. En disant que c'est impossible de changer le monde. En disant que c'est impossible de trouver un autre système qui ne serait pas fondé sur la copropriété. Sur la propriété et sur le vote démocratique et sur le progrès. Donc la presse, dans l'ensemble, défend les notions de progrès, de vote démocratique et de culpabilisation des citoyens. C'est pour ça que cette presse, dans son ensemble, ne présente aucun intérêt. Maintenant, si je suis un facho, j'aimerais bien qu'on explique. Merci. Alors, vous expliquerez ça en privé, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce genre de débat ici. Voilà. Moi, je voudrais, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, attirer notre attention à un fait très, très, très, très simple. Attendez, je vais essayer de pas... Voilà. C'est que dans ce pays, qui est le nôtre encore, il y a quand même suffisamment de presse au pluriel, me semble-t-il, pour ne pas que nous soyons, que nous sentions appartenir à ce que M. Bronner, Gérald, appelle la démocratie des crédules. Donc c'est très bien, il y a évidemment beaucoup d'hameçons, qui sont paresseux, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de parutions, de revues et d'accès à la presse. Alors peut-être que le problème, c'est finalement la paresse collective. Merci. Oui. Après, moi je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que on ne pousse pas les gens à chercher l'information. On décrédibilise. Pas forcément. Moi, je pense pas qu'on soit tous assez forts pour se dire que il faut aller chercher l'information. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est voilà. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur Je ne vois pas de main se lever. Je voulais faire une remarque, c'est que on n'a jamais eu autant de sources, que ce soit via les radios, la presse, la télévision, pour ceux qui ont que la télévision ou Internet. Et ça n'a jamais été aussi, malheureusement, aussi facile de croiser des informations. Alors, on peut être noyé sur l'information, on peut être pris par la junk food de l'information, mais il y a toujours moyen d'avoir l'information ou les informations. Voilà. Merci. Tu veux parler ou tu dis juste bravo Les deux, mon capitaine. Oui, je voulais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas qu'il n'y a pas d'information, c'est que, comme on dit, trop d'informations tue l'information. C'est qu'on nous, il y a des sujets qui sont vraiment importants, mais où il faut réfléchir. Il suffit pas d'un article de 10 lignes pour comprendre. Par exemple, l'histoire de Servier ou bien le. Il y a d'autres médicaments comme ça. Il y a les traités commerciaux qui sont en train de faire avec le Canada, avec bientôt les États-Unis, etc., qui vont complètement changer notre mode de vie. C'est-à-dire, on va nous obliger à manger de la merde parce que ce qui est bon, ça va coûter énormément cher. Et des choses comme ça. Oui, il y a deux lignes quelque part, deux lignes dans une revue, il y a trois lignes dans un journal. Et après, il y a Fillon qui a trois pages. Après, il y a des conneries, un accident. Ah oui, il y a 50 morts. Il y a beaucoup de sang, vous savez, ça va être dur, etc. Il y a des gens qui disparaissent, alors les pauvres, et c'est noyé, tout est complètement noyé, la formation la plus stupide, la plus imbécile, et au même emplacement qu'une autre information fondamentale, importante, qui existe de réfléchir, de prendre position, et c'est ce qui est en train de, c'est ce qui se fait dans le, on va dire, ce qu'apprennent, ce que font les journalistes, c'est mettre en relief les informations que les puissants, les riches et les politiques veulent qu'on s'occupe, c'est-à-dire les trucs qui les protègent ou on va pas trop les déranger, et les vraies informations qui nous intéressent, qui vont complètement changer notre vie, notre manière de penser et l'éducation des enfants, les générations futures, etc. Ça, c'est complètement noyé et c'est pas un hasard. Merci. Oui, je présente mes plates excuses au jeune homme que j'ai traité de facho parce que il avait dit que tout était pourri, même l'UMA. Alors, d'ailleurs, l'UMA, qui me paraît être un excellent journal, fait peut-être a peut-être des pratiques douteuses pour essayer de survivre, alors qu'ils n'ont pas de quoi fonctionner. Donc, c'est possible qu'il y ait des pratiques, je le comprends, peu importe. Ce qui m'exténue, moi, toujours, c'est d'entendre tous pourris. On nous dit que des conneries. Même s'il y avait seulement 10% de possibilités de se faufiler dans notre monde médiatique, il faudrait se réjouir qu'ils existent et les exploiter. Alors, il y a quand même, malgré tout, Internet. Alors, il y a la presse, puisqu'on parle des médias, ton truc, c'est que faudrait-il, le sujet, c'est que faudrait-il, que voulons-nous pour les médias. Alors, il y a quand même trois types de presse. Il y a celle qu'on achète, Alors, chacun choisit quand même sa presse. Il y a celle qui est distribuée gratuitement, c'est beaucoup plus important. Il y a eu un grand débat dans le temps pour savoir si c'était bien qu'il y ait de la presse gratuite. Moi, ça me touche que dans les heures du matin, tout le monde ait quelque chose à lire. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y avait ceux qui s'achetaient un journal et les autres n'avaient rien à lire. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ce soit très surveillé, cette presse gratuite, parce que celle-là, on la choisit pas, on la subit vraiment. Et puis, il y a quand même, et ça, il faudrait peut-être établir des règles, la possibilité d'avoir des informations sur Internet. Et là, ça me paraît difficile de censurer la vérité. C'est difficile. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est difficile. C'est, enfin, à mon sens, aujourd'hui, c'est impossible de censurer la vérité. Après, j'en sais rien. Mais c'est facile de la ridiculiser, du moins. C'est facile de ridiculiser une vérité pour que les gens n'aillent pas vers cette chose-là. C'est très simple. Voilà. Donc, tu voulais continuer, c'est ça. Tout à l'heure, il avait été question de propagande. Et je suis tombé récemment sur un livre de Jacques Ellul qui s'appelle « Les propagandes ». Dans lequel Jacques Ellul, il dit une chose intéressante, enfin, de mon point de vue, c'est il explique en fait que la propagande n'est pas simplement le fait des régimes totalitaires ou dictatoriaux, mais que les États démocratiques ont eux aussi dû produire une sorte de propagande, dans la mesure où, si dans un État démocratique, les médias avaient pleine liberté, et que, par exemple, on aurait un très grand média anarchiste, alors ça pourrait poser un problème en termes de stabilité de l'État. Donc du coup, l'État est obligé d'une certaine façon d'avoir une sorte d'appareil idéologique pour transmettre une forme de propagande démocratique pour promouvoir les valeurs de la République, etc. Et à partir de là, le problème des médias, on va dire... Alors il y a deux solutions. Soit on va dire les médias, il faut les privatiser pour justement que l'État ne puisse pas imposer, je dirais, une pensée unique. Et puis de l'autre côté, on va dire, ouais, mais si on fait ça, du coup, les intérêts particuliers vont primer sur l'intérêt général. Donc finalement, vaut mieux nationaliser la presse de façon à ce qu'elle soit objective. Mais en fait, on retombe dans le problème de la propagande. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt vers une forme d'indépendance des médias et imaginer en fait que toutes les formes de presse ou de médias ne soient pas en quelque sorte corrélées avec des sociétés qui dépendent de la commande publique. Par exemple, c'est pas normal qu'un groupe, par exemple, d'armement possède des médias, ou que un groupe d'agroalimentaire possède des médias. Donc il faudrait qu'on trouve un système pour rendre possible une véritable indépendance des médias, sans pour autant tomber dans le tout libéral ou le tout étatique. Voilà. Alors je réponds à Ernaud. Eh ben, tant pis. Alors je réponds. Parce que j'ai une vision un peu différente. Le problème n'est pas la presse. Là, on est comme quand on conduit avec la tête dans le guidon. Le problème est un problème de fond. C'est-à-dire, c'est l'esprit critique du lecteur qui résout le problème. Et ça, c'est l'éducation nationale. C'est l'enseignement. Hein? Et c'est le déclin. Et je vous invite à aller sur Google, et Mass Media. Hein? Vous allez à les diplômes. Hein? Les diplômes, vous pouvez ajouter... Paul Valéry, hein, vous le connaissez probablement, grand académicien, poète, philosophe, hein, 1935, il fait une prophétie, il a ça dans son essai, les bilans de l'intelligence. Aujourd'hui, il n'écrirait pas les bilans de l'intelligence, mais il écrirait les déclins de l'intelligence. 1935, si vous continuez à faire ce que vous faites à l'école, à vos diplômes, vos examens et tout, vous allez... contre le mur, il est dit mieux que je le dise, mais la réalité est là, et le déclin continue. La France s'est reposée sur ses lauriers en disant on a le meilleur système d'enseignement. Et après, tout doucement, ils sont obligés de s'apercevoir qu'ils étaient dans l'illusion totale. Ils ont fait de la quantité au lieu de faire de la qualité. Ils ont donné à l'école... L'obligation, le message, la devise, hein, la transmission des savoirs. Quel savoir? Si dans le savoir il n'y a pas le savoir-faire. Le savoir-faire l'a mis à la porte. Hein. Le savoir, il le donne en fonction de l'avenir. Quel avenir? L'avenir des automates. Hein. L'avenir des mécanismes. L'avenir de l'industrie. Quelle industrie? Celle qui invente la crise, qui est artificielle, complètement artificielle. Le chômage aussi. Hein. Si celui qui sort du lycée est... a été habitué à vivre, à être adulte, à être critique, il fera n'importe quel travail plutôt que rester attendre che arrivi di ciel l'assistenza. Hein? Je vous invite à lire tout simplement cette page, ce n'est pas deux. Hein? Et vous verrez qu'effectivement, ça dépend de chacun de nous, notre avenir, et non pas des autres. Merci. Merci. Pour continuer sur ton... Allez, vas-y. Je m'excuse, merci de vos applaudissements, mais je ne suis pas un acteur. Je suis un spectacle, malheureusement, comme un intermittent. Hein? Voilà. Je préférais être auteur, mais je ne suis pas auteur, je n'ai rien écrit. Merci. Merci. Et moi, juste ce que je dirais comme ça, c'est que on peut noter que la plupart du temps, les médias, au final, comme il l'explique, moi, ce que j'en comprends, c'est que ils nous montrent les effets et les conséquences de ce qui se passe actuellement, mais ils vont jamais vers la cause profonde de pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui. Si il y en a qui disent des choses, il y en a qui disent des choses, voilà, ouais, peut-être ça, mais jamais ils vont dans la cause profonde du pourquoi du comment. Ah oui, j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit ce monsieur précédemment au niveau de la propagande. On a Le Monde, je pense qu'on peut qualifier de média mainstream, il y a quelque temps, qui a mis en place un programme qui s'appelle le Décodex, qui permet donc, selon leurs critères, de noter à l'aide d'une petite pastille sur Internet la fiabilité, au niveau mensonge, vérité, des sites médiatiques. Alors, le problème, c'est que eux se basent là-dessus en fonction, une grande partie du temps, de la neutralité. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment une vision formatée dans notre société, dans le sens que pour eux, dans le monde, neutralité, c'est ne pas être trop extrême. C'est-à-dire qu'un journal qui a adopté un logiciel de pensée de gauche structuraliste, comme par exemple Mediapart, ou un journal qui aura adopté un logiciel de droite, sera qualifié de incertain, pas très fiable, parce qu'il n'est pas neutre. En quoi Le Monde et les médias mainstream seraient plus neutres? C'est juste qu'ils abordent l'information selon, bon, peut-être pas tout le temps, un logiciel qui est le logiciel conformiste néolibéral. Et c'est une idéologie comme une autre, c'est juste qu'elle est dominante et tout à fait banalisée. Donc oui, il y a aujourd'hui une propagande, et nous sommes très souvent aveugles face à ça, dans les médias mainstream. Je vais essayer d'être un peu clair parce que je suis pas sûre que ça soit très clair dans ma tête, mais je veux rebondir sur ce que disait un monsieur à propos de la paresse intellectuelle. Moi, il me semble que c'est fondamental. Alors, on peut accuser les médias de nous manipuler, etc., etc. On a quand même le choix en France, hein, puisqu'on parle de la France, on a un choix, mais alors multiple, hyper large, peut-être trop, de toutes sortes de médias, d'un côté comme de l'autre, et pourtant... J'ai l'impression qu'on attend qu'ils fassent le boulot à notre place, qu'ils nous mâchent le travail. Mais ça ne marche pas comme ça. Si on veut être libre, si on veut faire fonctionner notre capacité de raisonnement, notre libre arbitre, ce qui est quand même le propre de l'humain, eh bien, il faut y réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas dire le monde, je ne sais pas quoi, me manipule. Eh bien, on ne lit pas le monde s'il nous manipule. Tu lis autre chose, tu écoutes autre chose, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas, etc. Il faut quand même faire marcher sa tête. Moi, je suis étonnée d'entendre ici que tous pourris, les journalistes ont des manipulateurs, machin. Mais déjà, je pense que c'est pas vrai, ils le sont sûrement, mais pas tous. Hein. C'est comme, il y a sûrement des hommes politiques qui sont honnêtes. Je n'en connais pas, mais il y en a sûrement. Donc j'aime à le croire. Et bien les journalistes, c'est pareil. Il y en a sûrement beaucoup plus même qui font leur boulot correctement d'investigation, etc. Seulement, c'est eux qu'il faut aller chercher. Et bien c'est peut-être pas dans ce qu'on entend facilement, je veux dire, ce qui te vient à toi. Mais ce qui te vient à toi, et bien il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'accepter dans son boulot de prémâchage. Il faut faire marcher sa tête, marcher son libre arbitre. Ça demande du boulot, ça demande un petit peu de courage et du temps. Et c'est vrai que le temps, on n'en a peut-être pas beaucoup. Mais ça, c'est fondamental si on veut réfléchir à une société autre et ne pas s'engouffrer dans ce qu'on nous vend là, comme ça. C'est fondamental de faire marcher sa tête en tant qu'individu. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le à mon sens, là, ça devient un problème d'éducation, en fait. Parce qu'il faut du soutien pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de dire. À mon sens, il faut quelqu'un qui est lâché comme ça, comme vous dites, on lui prémâche toute sa vie, on lui prémâche toute l'information, tout ce qu'il fait dans sa vie, on lui prémâche tout. Forcément qu'il va attendre qu'on lui fasse tout. Pas tout. Moi, je dis pas qu'on nous prémâche tout, mais on nous pousse à fonctionner comme ça. Ouais, moi, je pense. Bah, l'éducation nationale, à mon sens, quand on apprend des poésies par cœur, ça nous sert à rien, tout ça. Enfin, c'est pas que ça nous sert à rien, mais c'est apprendre de l'histoire par cœur, apprendre des trucs par cœur, tout le temps par cœur, ça sert à quoi? Bah, moi, je vous parle de mon expérience. J'en sais rien, je ne suis pas dans l'éducation nationale et mes enfants sont grands. Mais la capacité de réflexion et d'analyse, ça s'apprend à l'école. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont vraiment pas de bol et qui tombent sur des profs complètement obtus. Enfin, je ne pense pas, puisqu'ils sont censés donner à tous les enfants du même pays la même éducation. Je pense qu'on simplement, là aussi, effectivement, si cette exigence de réflexion n'est relayée nulle part, alors tu as raison. Tu pars avec moins de chance. Mais de toute façon, ça s'acquiert parce que personne ne fera le boulot à ta place. Personne ne fait le boulot à la place de l'autre. Alors, faire le bonheur des autres à leur place, ça ne marche pas. Et bien là, c'est pareil. Dans les médias, faire le travail de réflexion à ta place, ça ne marche pas. Et il faut l'accepter, ça ne marche pas, c'est à toi de le faire. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, c'est un système d'éducation. Si on leur dit ça aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, ils ne vont pas faire confiance à n'importe qui, n'importe comment. Bref, je peux pas m'étaler, je suis médiateur, je vais pas. Ah mais je pense là ce que tu dis, c'est moi ça m'intéresse vachement parce que on pourrait imaginer par exemple qu'à l'école, on ait un cours justement d'initiation à la lecture de la presse où on prendrait un fait divers, par exemple des violences dans des quartiers sensibles, et que on prenne plusieurs journaux. On prenne justement un journal de la pluralité de la presse et qu'on lise ensemble. Chaque interprétation qui est faite de ce même fait divers, et que on montre aux élèves que finalement il n'y a pas une interprétation univoque, mais il y a une interprétation plurivoque, et que il y aura une presse qui vous dira qui dénoncera en quelque sorte la violence policière, et puis de l'autre côté il y aura une presse qui parlera de nécessité d'une politique de sécurité, etc. Et donc à partir de là, l'élève pourra apprendre à avoir un esprit critique et à pouvoir penser par lui-même, et ne pas recevoir l'information de la presse ou du journal de 20h comme une vérité de fait, mais comme au contraire une vérité relative qui nécessite aussi une part d'esprit critique. Merci. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur le point, on ne peut pas dire que les journalistes sont des manipulateurs. Évidemment qu'en France, il y a des journalistes tout à fait corrects et sérieux, et ceux que, par exemple, moi je vais critiquer, je pense pas que ce sont des manipulateurs, mais dans l'ensemble, il y a des problèmes qui nuisent très très gravement au journalisme dans son ensemble en France. C'est la soumission à la publicité, la soumission à l'actionnariat et la soumission à la concurrence excessive pour faire plus de ventes. Et ça, on peut pas considérer ces trois facteurs comme étant anodins et permettant une presse de qualité en France. Il faut sortir de ça. Mais évidemment, le problème, ce n'est pas le fait que les journalistes aient une telle ou une telle opinion ou qu'ils soient manipulateurs. C'est leur soumission à des soucis de financement. À ce moment-là, ton travail de citoyen, c'est de ne pas lire cette presse dont tu parles, de ne pas écouter ces radios dont tu parles, de ne pas regarder la télé dont tu parles. C'est tout. C'est ça notre devoir de citoyen à ce moment-là. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, le devoir des médias et de permettre aux citoyens de se forger une opinion solide et de se révolter. Et lorsque les médias souffrent de ces problèmes-là, bah, le citoyen, lui, il en pâtit gravement. Donc, je reviens absolument pas à dire qu'ils sont tous pourris. Les médias, c'est bien connu, façonnent l'opinion populaire. Et quand on a une situation en France journalistique qui est grave aujourd'hui à cause de ces problèmes de liberté et de pluralité de la presse, on peut pas dire que... Je dis pas que les médias sont tous pourris, je dis qu'il y a un réel souci et qu'il faut l'arranger. Et qu'en tant que citoyen, oui, c'est mon devoir, mais qu'est-ce qui permet aux citoyens d'accomplir son devoir et de faire vivre une société réellement démocratique? C'est le média. En croisant les infos, en allant les chercher ailleurs que dans les médias les plus visibles, en faisant marcher ta tête et ton raisonnement et ton libre arbitre, ta réflexion. Moi, je crois que c'est possible. C'est possible, mais c'est plus que possible. C'est essentiel. Donc, si vous voulez vous parler entre vous, vous pouvez, n'hésitez pas. C'est juste pour pas faire de l'échange. Voilà. Mais madame, considérez que vous avez les capacités, vous. Mais est-ce que tout le monde... Peut-être que vous avez eu de la chance dans votre vie, vous avez eu accès facile à quelque chose qui vous a donné des bases solides dans votre vie. Mais tout le monde, moi je considère que tout le monde n'a pas ces capacités-là de base. Enfin, ça me paraît évident. Vous dites, c'est comme si, ouais, de toute façon, t'as juste à aller chercher du travail, tu vas en trouver. Je suis d'accord avec ce discours, mais on peut pas le dire de cette manière-là, comme ça, c'est pas possible. On peut pas dire, ouais, de toute façon, si tu trouves pas de travail, c'est parce que t'as pas envie d'en trouver. C'est facile en fait de dire ces choses-là, parce que toi, à l'intérieur de toi, t'as les capacités de le faire. Donc, ne juge pas l'autre qui n'a pas la capacité de le faire. Vous êtes satisfaite des médias en France? Bah c'est bien. Si lui, y en a un qui va dire, bah tous les médias sont pourris, c'est son avis et vous devez le respecter en fait. Il a des raisons de dire ce genre de choses. Après c'est pour ça à vous d'échanger avec lui pour savoir pourquoi il en arrive à ce raisonnement. Juste une petite chose complémentaire. Qu'est-ce que vous pensez du il y a quelque temps on disait soyez les médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je vais pas répondre à cette question. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? C'est très intéressant. Bon, je sais pas exactement ce que vous mettez sous ce mot. Enfin moi je l'entends plutôt comme soyez vous-même le producteur et le diffuseur d'informations. Alors à ce sujet, vaste question, est-ce que c'est la société qui façonne les médias? Est-ce que c'est les médias qui façonnent la société? Bon, comme sur le rôle de l'éducation, ce sont des livres entiers qui se penchent là-dessus. Sur l'histoire de la liberté d'information et la manière dont ça se passe chez les gens, pour rejoindre les arguments de cette dame, moi, j'ai l'occasion de beaucoup discuter politique dans des cercles très informés, et en particulier très informés par le biais de croisements d'informations qui viennent de médias alternatifs ou de gens du terrain qui font remonter des choses, etc., etc. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une propension quand même, et ça c'est repris ces derniers temps quand on analyse ce qu'il se passe au niveau de l'information via le net, c'est que assez systématiquement, une majorité viennent toujours chercher les informations qui confortent leur idée de la chose. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, ce qu'on appelle l'effet entonnoir, enfin, ou bulle, plus exactement. Plus je cherche à conforter ma pensée. Et ce que j'ai remarqué, parce que moi j'aime énormément l'esprit de contradiction, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à être l'avocat du diable, parce que, sincèrement, ces dernières années, moi, j'ai été absolument assommée par le fait que, lorsque je parle avec des gens qui sont de mon bord politique, je suis souvent avec des gens qui ne me servent que des arguments qui vont dans leur sens. Et là, de mon point de vue, alors les médias sont peut-être responsables, mais c'est ce qui est en cause, c'est le fait que chacun aime bien trouver. Et alors, parfois. Pour argumenter le fait que on est les brimés, donc on va et on est les non écoutés, les voix de la minorité, on va se cantonner à ne chercher que ce qui nous donne raison. Donc ça ça dépasse bien la question des médias. Ensuite, les médias, l'influence de la télévision, c'était important. Maintenant, on pense que c'est plus les réseaux sociaux, et donc on tombe sur cette question-là. De l'information qui parfois tourne un peu trop en rond au sein de chaque cercle formé dans la société. Voilà. Alors oui, pour répondre à soyons les médias en tant que, comme l'a dit madame, producteur et diffuseur, non, tout simplement non, car être journaliste, c'est un métier, ça requiert une qualification, ça requiert énormément d'investissement, ça requiert beaucoup de temps, des moyens, et on peut pas tous se permettre de faire ça. Alors oui, vous me direz, on peut tous... faire profiter à la société de sa spécialité, ça se fait déjà. Dans les médias, il y a énormément de personnes qui écrivent des articles, qui font des vidéos, qui ne sont pas des journalistes, qui font simplement partager, qui offrent leur savoir à un tel média et aux journalistes. Donc ça se fait déjà, mais non, on ne pourra jamais être entièrement les médias en tant que producteur, diffuseur, c'est impossible. Bonjour. En Allemagne, en 1933, ils sont arrivés au pouvoir et le lendemain, il n'y avait plus de presse. Il n'y avait qu'une presse. Et donc, quand on parle de liberté, presse et liberté, il faut toujours se demander libre de quoi? Et on est toujours connecté avec quelque chose. Et c'est impossible, c'est-à-dire comme personne privée ou journaliste, ou n'importe, nous sommes toujours connectés à quelque chose, une foi, un pouvoir, etc. Et donc, en réalité, être un journaliste, qui est un métier noble et passionnant, je crois que il faut être réaliste. À un moment donné, il y a des groupes qui se forment et qui deviennent très puissants. Et là, il faut faire un choix. On ne peut pas vivre seul. Il faut s'attacher à un groupe à la manière la plus élégante et la plus noble possible. Merci. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Alors juste décalez-vous un peu, parce que sinon ça va faire du Larsen. Voilà, moi je suis passée là par hasard, parce que je faisais des photos, donc je... par rapport à ce que j'ai pu entendre. Moi je suis photojournaliste, et je voudrais qu'on sache quand même, que les gens sachent, qu'il y a des photojournalistes qui travaillent pendant un an, deux ans, sur des sujets... qui ont énormément de difficultés à sortir en presse, qui a des millions de photojournalistes qui risquent leur vie, des millions des tonnes de collègues à moi qui sont morts sous les bombes, des photojournalistes en France qui ne peuvent pas exercer leur métier, regardez sur Reporters sans frontières, des journalistes qui ont été tabassés par les forces de l'ordre. En France, je parle de ça en France, et j'en passe. Voilà, je voulais juste amener ce petit... Alors, on critique beaucoup les photojournalistes aussi, mais moi, ce que je mets sur mon site internet, si les photos qu'on fait, elles dérangent autant, si elles dérangent autant, bah, qu'on fasse en sorte qu'elles n'existent pas. Merci madame, très beau message. Et est-ce que quelqu'un veut enchaîner là-dessus? Donc je sais pas, il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc c'est l'atelier Debout, éducation populaire. Quelle société veut-on? Je regarde là parce que je crois que ça va bientôt être fini. Voilà, il reste 10 minutes. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les médias. Et vous devez nous... Tu lèves la main, tu hésites à lever la main, tu... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah oui, alors, en fait, c'est que, enfin, moi, de ce que j'ai compris, en fait, elle dit, si ces images dérangent tant, il faudrait qu'elles n'existent pas. C'est-à-dire que si ça se passait bien, ces images n'existeraient pas. Parce qu'il n'y aurait pas des images malsaines à prendre en photo. Pour... Voilà, exactement. C'est tout ce que tu voulais. Voilà, exactement, madame, merci. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Allez. J'ai vu que le thème, c'est qu'est-ce que l'éducation populaire, c'est ça? Non, je vous prie de m'excuser, j'ai pas bien compris. Mais vous avez raison de poser la question. Donc c'est l'atelier Debout éducation populaire. Quelle société veut-on? Et le thème aujourd'hui, c'est les médias. Donc qu'est-ce que c'est pour nous les médias? Qu'est-ce qu'on veut comme médias? C'est très très large hein, comme sujet, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un sujet excessivement large qui ne peut en aucune manière se dire en 10 secondes. Par contre, ce qui m'a simplement fait, qui m'a apporté une résonance, c'est l'éducation populaire. Alors je voudrais quand même vous dire, moi j'ai été pendant une vingtaine d'années conseiller technique pédagogique à Strasbourg, à la direction régionale de la jeunesse et des sports, dans le secteur adramatique. C'était des postes d'éducation populaire qui à l'époque permettaient à chaque région de pouvoir bénéficier effectivement gracieusement des stages d'éducation populaire, mais là cette spécificité, l'éducation populaire. Mais c'était dans toutes les disciplines. Il s'avère que cette discipline a complètement disparu. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà. Voilà. Voilà. Et la deuxième question, qui est très simple aussi, parce que c'est très basse, c'est quoi un journaliste aujourd'hui? C'est la bonne question. Pour commencer par là. Sinon, chacun donne son point de vue. Et ce qui compte quand même, c'est pouvoir construire son puzzle au fur et à mesure, avec une bonne base, une bonne fondation. Hein, comme une fleur, on laboure, etc. Voilà. C'était ma question. Merci. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner là-dessus? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ouais, tu veux répondre? Vas-y. Je tenterai une petite définition en disant, pour moi, le journaliste, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Pas mal. Est-ce que ça le regarde vraiment pas, d'ailleurs? Alors, attends, je vais traverser. Je pense que c'est un sujet trop sérieux pour être moqué et qu'on a trop tendance à rire de plein de choses aujourd'hui. Et je crois que si nous sommes aujourd'hui, en tout cas moi, je suis aujourd'hui ici, c'est à cause d'un journaliste. C'est-à-dire qu'il y a eu le courage de dire des choses qui ne sont pas bien, par des politiques qui veulent nous représenter, nous, les citoyens. Et que par rapport à ça, je crois qu'il ne faut jamais oublier que le journalisme, on peut questionner qu'est-ce que c'est exactement, mais à la fin de tout, c'est un garde-fou à nous, les citoyens, contre un pouvoir qui est censé nous représenter. Et donc, il y a cet contre-pouvoir-là, il y a un autre que c'est les juges et que c'est tout le système légal. Et sans ces deux piliers-là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien de tout. Et ça, c'est l'essence des choses. Tout le reste, on peut discuter plein de temps. Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Oui ? Juste pour réagir par rapport à donc, tous médias ou fait ton média, ou est-ce que ça les regarde ou pas ? Je pense que si on pourrait réfléchir à une forme de journalisme citoyen où ce serait des gens qui seraient dans leur situation, qui parleraient eux-mêmes de leur situation. C'est-à-dire donner des caméras et des micros à des gens qui sont dans les quartiers populaires pour qu'eux racontent leur réalité, des profs ou des gens qui sont dans des écoles pour parler eux d'éducation et que ce ne soit pas forcément d'autres gens qui viennent et qui leur posent des questions prévues, etc. Voilà, c'est plein de choses où. Que ce soit des gens dans leur travail ou des gens dans des situations précaires, etc., ou autres. Je pense que c'est bien. Et effectivement, il faut aussi que des gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas, parce que ça permet de voir des situations comme... Enfin, voilà, il ne faut pas voir une opposition entre les deux, et les deux sont intéressants. Merci. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? Alors, il y a deux. Donc toi, je te passe la parole. J'ai beaucoup entendu parler de choisir ses médias, et je pense que chacun d'entre nous, enfin tout le monde, tu disais tout à l'heure que tout le monde n'avait pas les clés en main ou les possibilités de s'informer correctement. Et on voit avec des chaînes d'information comme BFM, iTélé, des choses assez mainstream que tout le monde connaît, que malheureusement. Il y a des gens qui n'ont pas le temps en fait de s'informer, et avant de parler de comment s'informer, il faudrait questionner de est-ce que certaines personnes ont le temps de s'informer, aussi bien de par leur rythme de travail, leur rythme de vie, les enfants à l'école. Donc du coup forcément les personnes qui doivent subvenir à leurs besoins dans un premier temps et qui galèrent à faire ça n'auront pas forcément le temps ni l'envie de s'informer correctement. Alors, moi, j'invite à questionner, est-ce que c'est pas une question d'éducation et une question de temps de vie, en fait, de prendre le temps de vivre ? Et déjà, si on avait tous la possibilité de prendre le temps, peut-être qu'on aurait le temps de mieux s'informer. Et on a beaucoup parlé des médias mainstream, mais je pense qu'une fois qu'on a ce temps-là de s'informer, on a tout un tas de petits médias indés qui montent. Je pense à Monsieur Mondialisation, La Relève de la Peste, le journal, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment ? Ouais, pas Le Quotidien. Non, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais il y a tout un tas de petits médias qui émergent, et notamment par le biais des réseaux sociaux. Si c'est bien utilisé, je pense qu'on peut vraiment arriver à quelque chose avec ces outils-là. Donc, je pense que je rejoins cette dame qui disait tout à l'heure qu'effectivement, c'est à nous d'aller s'informer correctement, mais encore faut-il avoir le temps de le faire. Ouais, du coup, là, tu poses une très bonne question. Tu poses une très bonne question parce que c'est est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on veut prendre le temps ? Est-ce que c'est une priorité pour nous ? Tu vois ? Est-ce que, parce qu'au final, si c'est pas dans tes priorités, ça veut dire que c'est pas important pour toi, tu vois ? Donc. Ce que je pense, c'est assez complémentaire en plus. On n'a peut-être pas forcément le temps d'aller chercher nous-mêmes l'information. Et justement, aujourd'hui, la majorité de la population, elle s'informe à travers toujours les mêmes médias, les journaux qu'on a dans le métro, ou alors principalement la télévision. Et j'ai remarqué, puisque je suis un média, on peut tous être des médias, mais je suis un média sur les réseaux sociaux, je dis ce que je pense, je donne des opinions, etc. J'informe, j'envoie des informations intéressantes souvent, enfin je trouve intéressantes. Et je me rends compte que quand j'en parle autour de moi, si ce n'est pas des personnes qui sont déjà éveillées sur certaines questions en dehors du cadre médiatique, eh ben, les gens n'y prêtent pas attention. n'y prêtent pas attention parce que c'est pas dit dans les médias, c'est pas dit à la télé, c'est pas dit à la radio, etc. Donc moi je pense que dans un premier temps, il y a une étape, je pense, qui est à prendre en considération et dans laquelle faudra peut-être s'organiser à faire, c'est s'accaparer les médias. S'accaparer les médias de la télévision, etc. En faisant quoi ? Avant de venir ici, j'ai écouté le discours de Fillon. Ils étaient 45 000 personnes là au Trocadéro. C'est incroyable. À agiter des drapeaux de France, à faire « ouais, ouais, ouais ». C'est incroyable. Et le mec, c'est un démagogue de malade. Mais voilà, ils sont pour lui. Et à travers la télé, il y en a combien qui l'ont écouté en plus de moi ? Donc ça représente des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et puis pour les autres, ça va être pareil. Donc je me suis dit, moi qui viens très souvent en Place de la République, qui a beaucoup suivi Nuit Debout, je me dis, ça sort difficilement de la Place de la République, ça sort difficilement des pages internet. Pages internet qui sont toujours regardées par les mêmes en fait. Et parfois il y a une personne sur 1000 qui va aller cliquer, puis en plus qui va peut-être adhérer au bout du 10e reportage qu'il aura vu, mais ça va être dur, ça va être long, ça va mettre des mois et des mois. Et je me suis dit, parmi toutes les personnes là qui sont là dans les places publiques, désignons des orateurs, mais désignons que chaque personne désigne 2, 3, 4, 5 personnes qu'il connaît dans son entourage, dans ses amis, et qu'ensuite il se fasse quelque... Enfin, je sais pas, j'y ai pensé, je sais pas comment faire, je sais pas, mais je me dis en tout cas qu'il faut les contrer. Il faut les contrer et faire quelque chose de sérieux, mais très sérieux. Écrire des discours qui seront entendus et qui seront des discours qui auront du poids pour que, si on va voir les médias, genre BFM, iTélé, TF1, on leur dit voilà, il y a un certain nombre de personnes, des citoyens qui veulent exprimer des choses, des experts de telle catégorie de sociaux, professionnels, etc., de cadres de vie, etc., qui veulent s'exprimer. Ils ont des discours, il y a des discours de 3 à 5, 6 minutes, faut qu'ils passent à la télé pendant une heure, pendant deux heures. Au lieu que ce soit comme Fillon aujourd'hui, il a parlé pendant une heure, ça va être des citoyens, etc., etc. Et on pourrait faire un truc comme ça. Maintenant, moi, souvent, j'entends anarchie, anarchie, anarchie. Mais quand je vois ce qui se passe, cette anarchie, elle va vite partir à l'anomie, c'est-à-dire un bordel, parce qu'on ne sait pas s'organiser encore, on n'a pas appris, on ne sait pas. Donc déjà, apprenons à nous organiser. Et j'invite tout le monde à s'informer sur le village de Saillant. Saillant, dans la Drôme, c'est des citoyens d'un village qui sont en train de réinventer la démocratie. Et c'est fantastique ce qu'ils sont en train de faire. Et pour moi, les présidentielles, c'est gnognotte. Pour moi, c'est les prochaines municipales qui vont vraiment marquer probablement un gros tournant dans la vie politique et la vie sociale et la société, etc. etc., etc., etc. Merci. Merci à toi, super. Alors, tu viens de lever la main, il y a une dame qui a levé la main. Vous voulez toujours parler ou pas ? Allez, lancez-vous, madame. Ça va être bientôt fini, c'est les derniers tours de parole. Donc, donc il y a monsieur là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler ? Non, donc madame, là et là-bas. Et vous, monsieur ? Allez. Merci. Juste rapidement, c'était pour rebondir sur le qu'est-ce qu'un journaliste. Je pense que comme toute profession, c'est des professionnels et qu'on ne peut pas les remplacer, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce que je lis, c'est pas juste les faits, c'est l'analyse. Et c'est souvent ça qui manque. Et pour arriver à analyser, pour faire des choses construites, ça s'apprend. Et le journaliste, c'est un métier comme les autres. Je ne suis pas journaliste, je précise, mais je trouve qu'on remplace trop souvent justement des vrais journalistes et des vraies analyses par des faits, par des choses qu'on voit. Et moi, ce qui me manque, c'est l'analyse, c'est après, c'est qu'est-ce qui fait, c'est replacer ça dans un contexte historique, dans ce qui a existé avant, dans ce qui peut exister après. Et c'est ça qui m'intéresse et que je trouve qu'on voit pas assez. Donc moi, remplacer par des choses sur internet, c'est bien, mais c'est pas de l'information de journalistes, et c'est pas ça que je recherche. Voilà. Oui, pour continuer sur ce que vous dites, en gros, c'est que, enfin, en tout cas moi, de tout ce que j'entends, c'est que des journalistes bien, il y en a partout. Mais après, c'est ceux qui décident si lui, il a le droit de parler, si lui, il n'a pas le droit de parler. Oui, bonjour. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. J'aurais aimé faire la synthèse, mais c'est trop complexe. Donc, je vous rassure, je ne vais pas la faire. Je vais juste amener une idée de plus que je n'ai pas entendue. Peut-être que ça a été dit avant que j'arrive. C'est l'esprit critique. Donc, en fait, les médias, donc, ça n'est qu'un vecteur. Il y a d'un côté celui qui va émettre une idée, un concept, et de l'autre côté celui qui va l'entendre. Et généralement, il y a une motivation. Soit c'est, on va dire, une influence positive, on veut donner une information, on veut orienter, et on va laisser chacun libre d'entendre le discours, de l'adopter, parce qu'on aura été clair sur nos intentions. Soit c'est de la manipulation, donc à l'insu de chacun, et certains faisaient référence à un discours aujourd'hui, et quand on entend effectivement l'appel à tout un des tas de tranches de l'histoire qu'il y avait dans son discours, ça a l'air formidable, mais c'est de la manipulation. Parce que si on décortique tout ça, aucune de ces valeurs à laquelle il faisait référence ne sont réellement fondées par ces actes. Donc, gardons l'esprit critique. Il faut absolument décortiquer le fondement même du discours, de la motivation de celui qui parle. Et effectivement, sur l'idée d'être chacun son propre média, c'est difficile parce que, tout le monde l'a dit, il y a des bulles, des cercles un peu restreints et c'est très difficile de faire venir quelqu'un d'un autre cercle dans son propre cercle. Donc c'est un vaste débat. Merci. Donc vous avez levé la main, c'est ça? Alors il y a monsieur qui veut parler, monsieur, et après ce sera à vous et après on va clôturer. Oui, donc je pense que le journalisme, en fait, le problème, c'est que il faudrait, c'est le problème du journalisme, c'est les liens d'intérêt, tout simplement. À partir du moment où vous avez une information qui est liée à des intérêts quelconques, c'est là qu'apparaît, je dirais, le ver dans la pomme, je dirais. C'est le problème. C'est le problème de la connivence entre les intérêts, quoi. C'est toujours ça qu'il faut examiner, je crois, en premier lieu, voir ces liens qui existent. Et ça, c'est toute la difficulté, bien sûr, parce que trouver les liens de telle ou telle personne avec telle ou telle multinationale ou que sais-je, c'est très, très difficile. D'autant plus aujourd'hui où il y a des montages qui sont d'une complexité incroyable, où on ne peut plus savoir qui c'est qui est derrière, en fait, telle ou telle entreprise. C'est là le gros problème. Moi, je me suis intéressé, en fait, à l'intérêt. Parce que je crois que l'intérêt, c'est ça. Alors, l'intérêt, c'est... Moi, je me suis intéressé particulièrement à l'intérêt général, en fait. Parce que l'intérêt général, c'est une notion qui est très, très, très, très importante et qu'on entend dans toutes les phrases des hommes politiques. L'intérêt général, l'intérêt général. Mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Alors, je me suis intéressé à ce sujet que je trouve passionnant et je trouve qu'il y a un sujet qui serait consensuel, je dirais, à cette époque aujourd'hui où il y a tant de gens qui s'affrontent sur des idées, ainsi de suite. Je pense que réfléchir autour de l'intérêt général, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, serait une très très bonne chose. Et moi, j'inviterais, enfin, à débattre de ça, de ce qu'est l'intérêt général. Et je me suis documenté et je suis allé, par exemple, sur le site viepublique.fr, qui est un site tout à fait officiel, je dirais, qui est sous l'égide de l'ADILA, sous le Premier ministre, ainsi de suite. Et là, si vous mettez dans le moteur de recherche du site intérêt général, intérêt particulier, on vous donne toute une liste, en fait, de textes qui sont relatifs à ce sujet-là. Et vous cliquez sur le premier, et là, on va vous dire, dès la première phrase, que cette notion d'intérêt général, elle dépend des pays. Alors déjà, ça interpelle, je dirais. Ça dépend. Ah bon, il n'y a pas de notion de définition générale? Non. Ça dépend de chaque pays. Et si vous allez un peu plus loin dans le texte, on va vous présenter deux conceptions seulement, pas beaucoup. La conception, en fait, anglo-saxonne et la conception française. Conception française, pardon. Et là, tout de suite, vous allez comprendre. Pour les Américains, que je respecte bien sûr au plus haut niveau, pour eux c'est très simple. La notion d'intérêt général, enfin, c'est l'addition mathématique, en fait, mathématique, des intérêts particuliers. Vous prenez les intérêts particuliers de chacun, vous faites une belle addition, vous obtenez l'intérêt général. Pour la France, je dirais, c'est complètement différent. Au pays des Lumières et tout ça, c'est donc la réflexion, ça a été très, très, très, très mûrie. Et là, la conception d'intérêt général, c'est complètement décorrélé, mais au plus haut niveau des intérêts particuliers. C'est une notion transcendantale, pour ainsi dire. Et là apparaît, je dirais, cette différence incroyable entre l'intérêt général vu par nos chers Américains et nous, en fait. Et je crois que si d'aventure on pouvait se mettre tous d'accord sur une conception, soit la conception anglo-saxonne, que je n'aime pas trop, personnellement, enfin après, chacun voit, mais conception française, et bien là, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient trouver leur solution quasi naturellement. Quasi naturellement, je suis sûr de ça. Alors, moi, Juste pour finir, pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, le Conseil d'État a fait une très belle réflexion en 1999 sous un rapport public qu'il a fait en 1999, qui s'appelle d'ailleurs « Réflexion sur l'intérêt général ». Et là, on vous explique très clairement cette notion d'intérêt général vue par les anglo-saxons et vue par la France. Il s'avère qu'au début, ça commence bien, je dirais, leur rapport, mais ça finit un peu mal, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un glissement vers la notion d'intérêt général vue des Américains, qui m'inquiète bien sûr, mais enfin... C'est ce que j'ai lu en fait. Hein. Donc, je crois que c'est un sujet fort. Voilà. Merci. Ça te dérange si je fais parler le monsieur qui n'a pas encore parlé et après je finis par toi ? Merci. Merci. C'était juste pour les médias. En fait, vous disiez que les citoyens devaient se saisir des médias. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que justement, on aurait une bataille de différents groupes d'intérêts. Et ben ce serait une sorte de loi de la jungle. D'abord, Internet existe, et c'est précisément ce qui se passe sur Internet. Et deuxièmement, je rejoins ce que disait la dame tout à l'heure, oui, les médias, c'est un métier, ça doit rester des professionnels. Je rappelle juste que cette indépendance des médias, elle l'était préconisée dans le programme du Conseil national de la Résistance. Ce que vous demandiez, c'est exactement ce qui est dedans, 1945, que les médias soit débarrassé de l'influence des puissances d'argent. Point barre. Voilà. Et ce que disait monsieur aussi sur l'influence des médias, donc c'est exactement ça. Sauf que ce programme, il a pas été vraiment appliqué et les grands groupes. Oui, mais alors il en reste. Les médias publics sont précisément un peu plus à l'abri de l'influence des puissances d'argent que les médias privés. Voilà, mais on est dans le système tel qu'on est, l'influence des puissances d'argent a repris les choses. Mais il y avait cet objectif. Voilà. Merci. Oui, je voulais aborder le problème d'un autre point de vue. C'est si on réfléchit un peu à ce qui se passe en Grèce, par exemple, où le FMI et la triade ont encore demandé à réduire tous les services, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, ont divisé par deux les retraites, alors qu'il y a des familles de 10-15 personnes qui vivent sur la retraite d'une personne. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de nous arriver aussi, c'est pas loin. Et c'est le fait de ce monde actuel de la société où tout est quantifié, il n'y a que l'argent qui compte. Il y a des tas de choses qui sont en train de se faire dont on ne parle jamais, comme par exemple le fait des nouvelles télévisions qui sont en train de sortir. Dans la télé que vous achetez, il y a la télé relève tout ce que vous regardez et c'est transmis à quelqu'un qui va savoir tout ce que vous regardez et donc quelle publicité vous envoyez, à quel moment, quand est-ce que vous mangez, quand est-ce que vous sortez, quand vous êtes chez vous, etc. Et pareil avec Internet, avec l'ordinateur, avec la science qui est en train d'inventer le transhumanisme, ça s'appelle, c'est-à-dire l'homme qui est augmenté, comme on dit, avec des robots, avec des machines, avec des cellules où on peut remplacer les organes, etc. Mais évidemment, ce sont des choses qui coûtent très cher, et ce sera que pour les riches. Et ce que disait Fillon, par exemple, la sécurité sociale, c'est-à-dire, bon, pour les pauvres, maintenant, ils peuvent crever, ils n'iront plus à l'hôpital. S'ils sont malades, c'est tant pis pour eux. Et tout est comme ça. Tous les traités transatlantiques sur l'alimentation, etc., il n'y aura que ceux qui sont riches qui pourront manger correctement et les autres, ils auront les restes. Et les océans qui sont en train de mourir, etc., tout le système sanitaire, le système scolaire qui est en train de devenir n'importe quoi. On dit aux enfants, si vous travaillez bien, vous aurez du boulot, alors qu'on sait très bien que le boulot, il n'y en a plus, il y en aura de moins en moins, parce qu'on est en train de créer les robots, justement, qui vont remplacer les gens. Donc tout ça, c'est pour dire que, enfin, ça c'est mon avis, c'est cette société est en train de devenir complètement absurde. Mais nous, en tant qu'être humain, on a besoin de trouver du sens à notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je suis là? Quel sens ça a que je vis, que je rencontre des gens, que je travaille, que j'aime, que je fais... À quoi ça sert? Pourquoi? Et dans une société si absurde, il n'y a pas de sens. Les journaux, ils sont là que pour nous occuper, nous distraire, nous faire raconter n'importe quoi sur Fillon ou Hollande ou n'importe qui. En fait, les vrais problèmes, c'est de dire, mais quel sens ça a de vivre dans la société en France aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Et ça, personne n'en parle jamais. Et le fait aussi, par exemple, un autre exemple qui me tient à cœur beaucoup, c'est tous les deux jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Qu'est-ce que c'est cette société? Quel sens ça a dans une société où les gens qui nourrissent les autres se suicident, sont contraints de se suicider? Ça veut rien dire. Comment vous voulez, vous voulez ça sur le journal, comment vous voulez l'interpréter? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans quel monde je suis là? Je suis sur la planète Mars, je suis... Ben, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pas dans les, et ça, c'est pas dans les journaux. Enfin, moi, je lis un journal, c'est le Canard Enchaîné, où il y a quand même des petites informations, mais qui sont vraies. L'important, c'est la vérité. Mais ce que j'essaie de faire à travers les lectures de livres ou les rencontres que j'ai, dire de toutes les personnes que je rencontre, dire « Mais toi, pourquoi tu vis ?» Donc, quel sens ça a, le fait que tu es vivant, tu grandis, tu as un certain âge, tu vas au cinéma, etc. Mais à quoi ça sert tout ça? À mon avis, c'est ça qui est important. Et c'est ça, de ça que devraient parler les médias, que nous, on devrait parler dans les médias. Merci. Merci, c'est très, très important ce que tu dis, je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Monsieur, bon, on va clôturer là-dessus, je pense. Dernière intervention. Et puis après, on va dire le mot de la fin. Je suis journaliste à la télévision. Et je sens que ma cote de popularité vient de baisser d'un coup. Je suis en fait documentariste. Et si je prends la parole là aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous raconter comment ça se passe. Si je veux faire un film sur la spéculation, ce que j'ai fait un film sur la spéculation. Il me faut un an pour le vendre à la télé. Si je veux faire un film sur le tourisme en Espagne, j'ai fait ça aussi. Il ne faut pas longtemps pour le vendre à la télé. C'est moins difficile. La télé, elle est au service de ce que les gens regardent. Elle est au service de ce qui rapporte de l'argent. Donc ce que les gens regardent, ça rapporte de l'argent. On se bat un peu contre ça, nous autres documentaristes indépendants. On en souffre. On fait contre ça, on fait avec ça aussi. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit « Qu'est-ce que c'est un journaliste ? C'est quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. » Vous savez ce que Donald Trump a répondu à des journalistes qui lui demandaient ses revenus, ses taxes, ses affaires ? Ça ne vous regarde pas. Il y a aussi quelqu'un qui a dit « Il faut s'informer sur Internet. » Vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des fausses nouvelles qui ont porté Donald Trump à la présidence ont circulé sur Internet. Donc méfiance aussi à l'idée de dire voilà les médias mainstream sont pourris, parce que ce que j'ai dit à l'instant, c'est contrebalancé par d'autres choses. Il n'y a jamais eu autant de médias qui surveillaient les médias. Il n'y a jamais eu autant de journaux qui surveillaient les autres journaux. On bouscule beaucoup, on conspue beaucoup le conformisme des médias. Combien de gens lisent des journaux ? Et parmi les gens qui lisent des journaux, combien de gens lisent des journaux qui ne conviennent pas à leurs opinions? Donc moi, ce que je voudrais que chacun se demande, c'est comment je peux faire pour éduquer mes enfants à ne pas faire la même chose? Comment je peux faire pour signaler à mon voisin, à mes amis, à ma famille, à mon cercle d'amis, quand j'ai vu un documentaire qui m'a intéressé, qu'il aille le revoir sur Internet? Mais allons-y, quoi. Allons-y. Merci. Très bien pour clôturer cette séance. C'était parfait. Vous avez bien synchronisé là. Voilà, donc on va clôturer l'atelier pour aujourd'hui. Nous, on revient dimanche prochain. On est là toutes les semaines. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez participer. Nous, on est une petite équipe de bénévoles. Hein, et on accepte tout le monde si vous voulez donner de votre temps pour notre commission, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Vous pouvez venir nous poser des questions, il n'y a pas de souci, nous on va tout démonter là, on reste là. Si vous voulez nous donner une petite pièce, ouais voilà, il y a la boîte à dons, il y a Antoine avec la boîte à dons là-bas. Si vous voulez donner une petite pièce, n'hésitez pas. Et je pense que la prochaine fois, bon je sais pas, on continuera sur les médias ou pas? Ça devrait aller là, non? Ouais, on changera sûrement de thème, on ne sait pas encore, mais voilà. N'hésitez pas à aller sur le site www.pop.org. Vous pourrez les voir, il y a tous les récaps de tous les ateliers qu'on a fait par écrit et en audio bien évidemment. Donc voilà. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. C'est écrit là-bas sur la il y a la charte en fait. Merci.